FOU 89.1, la radio des étudiants de l'UQTR. C'est fou, 89.1. Le plan d'aujourd'hui à Assemblage Requis. On accueillera Mathieu Roy avec sa nouvelle chronique humoristique estivale ou estivale humoristique, comme vous voulez. Et nos classiques sont aussi dans cette fake kick, sexy time et tout le tralala. Ça, c'est le genre d'émission que tu rates seulement si t'es un incompétent fini. Fait que faites pas exprès. Assemblage Requis tout de suite. Bonjour et bienvenue à Assemblage Requis pour la semaine du 12 mai 2014. Je m'appelle Mathieu Plante. En passant pour le reste de l'équipe, Jean-Philippe Charbonneau va être de retour sûrement la semaine prochaine et Stéphanie Paradis va être de retour le 12 juin environ pour faire quelques petites présences une fois de temps en temps. Donc pour l'instant, ce n'est que moi, vous et les petits oiseaux qui chantent derrière nous et qui nous rendent tellement heureux en ce bel après-midi. Hein? C'est-tu le fun des oiseaux qui chantent? Aujourd'hui, l'émission, donc surtout des chroniques maison. Je l'ai dit tantôt que Mathieu Roy serait là avec une nouvelle chronique humoristique. Il nous en a parlé un petit peu à l'émission de la semaine passée. En fin d'émission, il nous disait que ça allait être sur les différents styles d'humour, comment peut-être sortir une phrase, une blague et l'adapter à plusieurs styles humoristiques. Donc, ça va être vers les 17h30 dans notre diffusion originale. Donc, dans la dernière demi-heure de l'émission, faites la conversion avec votre petite application iPhone pour comprendre les différentes diffusions d'Assemblage Requis. Autour de ça, mes chroniques à moi, donc chroniques maison, comme on appelle, c'est un fait. Kinky Sexy Time. Hein, bien sûr, c'est toujours kinky, c'est toujours le fun en deuxième demi-heure. Ensuite, en troisième demi-heure, c'est exprès, ça devrait répondre là. Des gadgets inutiles, bien sûr. 16h30, donc je devrais dire quatrième demi-heure, c'est bien. Les instructions d'assemblage pour savoir comment vivre votre vie. Ensuite de ça, il y a aussi le bloc pub autour de ça. Donc, une belle petite émission de 3h ensemble. On va débuter avec cet effet dans cette première demi-heure. Par contre, on commence jamais l'émission en chronique. Ça ne se fait pas. C'est illégal. Sous peine de caution, hein, c'est ça. Après, on va commencer en musique avec de l'anglophone parce que les palmarès, c'est fou, cette semaine, ce n'était que du francophone. Donc, en anglo, on va l'entendre une nouvelle entrée de Piff Paff Hangover. On les connaît très bien pour leur chanson 12 Pack qui est absolument géniale. Mais les voici à l'instant avec leur nouvel extrait Whatever Works. Tout de suite, à Assemblage Requis sur C'est fou. Si ça marche pour vous autres, Whatever Works. On the state line, don't be scared about it. Don't be scared about it. I'll meet you in a space and time. She says she ain't mine. This place is way too crowded. This place is way too crowded. I'll meet you in a space and time. She's on the state line. She says she ain't mine. I'll meet you in a space and time. I'm in the streets like fireworks. Nice to finally meet knees from the down belly, from the beers, puffy eyes, bees, or whatever works. Whatever works. Polka dot skirt, I'm in the streets like fireworks. Nice to finally meet knees from the down belly, from the beers, puffy eyes, bees, or whatever works. Whatever works. She's on the same line. Don't be scared about it. Don't be scared about it. I'll meet you in the space of time. She says she ain't mine. This place is way too crowded. This place is way too crowded. I'll meet you in this space and time. Ah. walk gently in silence, not to wake him up on the prowl. We play pong in the basement with the last of a keystones in the dark now. Crazy kids in love. Que ça ressemblait à un bloc qui était deux fois, mais qu'on n'avait pas annoncé à l'avance. Hein? Tantôt, j'ai parlé de Piff Paff Hangover et leur ancienne pièce 12 Pack. Ça m'a donné envie de la jouer. Je pense que j'avais pas mal le choix. Avant ça, on a entendu évidemment leur nouvelle entrée en 19e place anglophone. C'est Whatever Works. Deux extraits de l'album Curry Love, Piff Paff Hangover. C'est-tu donc bon? Hein? C'est pour bien parler, là. C'est-tu donc bon? Let's get it low. Donc voilà, pour Était deux fois, ça nous amène à apprendre les choses, départager ce qui est vrai, ce qui est faux là-dedans. Voici, c'est un fait. Des choses que tu sais pas, des choses que je sais pas, c'est un fait, c'est un fait. Des choses que tu sais pas, des choses que je sais pas, c'est un fait, c'est un fait. C'est plus un fail qu'un fait quand je chante. Hein? Donc, c'est un fait. On va commencer avec une rafale de choses qui sont véritables et vérifiables selon Internet, bien sûr. Si les poulets ne mangeaient pas assez de calcium dans leur diète, dans leur régime alimentaire, ils feraient dissoudre leurs propres os pour pouvoir faire des coquilles pour leurs œufs. Et c'est selon une source sûre, c'est de QI Elves. J'adore cette source-là, c'est tout à fait vérifié. Il y a les sources sur assemblagerequis.com. Mais si un poulet ne mangeait pas assez de calcium dans sa diète, il faudrait qu'il fasse dissoudre ses os pour avoir une coquille pour l'œuf qu'il va pondre. Qu'elle va pondre, hein? Poule plus qu'un poulet, hein? Les fourmis ont des esclaves. Certaines espèces vont même aller dans les nids des autres, et dans le fond de d'autres tribus de fourmis. Hein? Ils vont tuer la reine, ils vont kidnapper les travailleurs de cette... J'imagine qu'en français, il y a un mot autre qu'une niche à fourmis, mais je ne l'ai pas. Qu'est-ce que le cataglottisme maintenant? Cataglottisme. Cataglottisme, c'est un mot qui décrit le mouvement de la langue quand tu embrasses quelqu'un. Donc le mouvement de va-et-vient de la langue, c'est du cataglottisme. Intéressant quand même. Au 17e siècle, l'entertainer, tu sais, les entertainers de nos jours, on a Grégory Charles. fait qu'on a Alain Dumas, hein, des entertainers. Là, mais à l'époque, au 17e siècle, Jean Royer, son numéro, c'était de caler une grande quantité d'eau et ensuite cracher ça en arc, en arche, en genre de demi-cercle, si on veut, pendant aussi longtemps qu'il le pouvait, tout en récitant le psaume 51 de la Bible. On était facilement amusés à l'époque, au 17e siècle. Un autre mot à deviner, c'est « virtucrate ». Virtucrate. Qu'est-ce que c'est, un virtucrate? En fait, c'est quelqu'un qui est convaincu qu'ils ont la supériorité morale. Donc, ils sont au-dessus de tout le monde, moralement parlant. Ils sont supérieurs à tout le monde. Saint-Martin de Tours, Saint-Martin of Tours, exorcisait les gens en mettant son bras dans leur gorge, en insérant son bras à lui, à Saint-Martin de Tours, dans la gorge, en forçant le diable à sortir par l'autre orifice qui est un petit peu plus bas. Ouais, c'est par ce trou-là. On faisait sortir le mal. Ça fait sortir le méchant, comme on dit. Et en 1900, un geek... Vous savez, j'anime le Mathieu Plante Show les lundis à midi et le mercredi à 17h, on rappelle. Un geek, c'est une émission de geek, cette émission-là. Mais à l'époque, un geek, c'était quelqu'un qui performait dans un cirque. Il était spécialisé, il mordait les têtes des poulets et des rats. Il était vivant, ces animaux-là, les poulets et les rats. Ils mordaient leur tête. C'était ça, un geek, en 1900. Et ben... C'est pas la même chose, on parle pas de ça du tout, mordre des poulets au Mathieu Plante Show. C'était là, récemment, on parle du 9 mai dernier, la journée nationale des bas perdus, National Lost Sock Memorial Day, le jour du souvenir des bas perdus, j'ai oublié un petit mot là-dedans. Donc c'était le moment de changer son partenaire à ce bas-là en marionnette et juste acheter une nouvelle paire de bas. Lorsque ESPN a dit au commissioner, là on parle de la Ligue nationale de football, le commissioner Pete Rozelle, il y a sûrement un mot pour ça en français, Rozelle, non, commissioner, le commissaire, je sais pas trop quoi, commissaire Gordon, comme dans Batman. Donc Pete Rozelle, quand ESPN lui a dit qu'il voulait téléviser la draft de la NFL en 1980, tu vois, c'est là que j'aurais eu besoin de Jean-Philippe Charbonneau pour me dire les mots en français, une draft à la NFL. Mais bon, donc Rozelle a répondu, pourquoi est-ce qu'on voudrait téléviser ça? Évidemment, c'est une des émissions les plus populaires des chaînes de sport. C'est lorsqu'il y a des drafts. Le repêchage, je pense. Hein, JP? Sûrement. Repêchage, il me semble. Les bébés dauphins, les nouveaux-nés dauphins, en fait, ont juste un petit peu de poils sur leur menton. Les dauphins, un petit peu de poils. C'est comme un genre de pinch, de frotte... frotte bisoune. je cherche un mot plus classe que noun. En 2007, le gouvernement écossais a dépensé 125 livres sterling pour créer un nouveau slogan national, un nouveau slogan pour toute l'Écosse au complet, tu sais, entre l'arbre et l'Écosse. C'est un gros slogan. T'sais. Le résultat? Bienvenue en Écosse. Welcome to Scotland. Hein? 125 000 livres sterling. Bien dépensé. Nickelback. Vous connaissez Nickelback pour leur chanson au singulier, parce que c'est pas mal juste une chanson, mais chantée différemment ou avec une petite mélodie à peine différente. Leur chanson de Nickelback, How You Remind Me. No, I remind me of what I really am. Je connais pas les paroles du tout. Donc, c'était la chanson la plus jouée à la radio américaine pendant la dernière décennie. Elle a été jouée 1 million de fois. How You Remind Me de Nickelback. Hein? On appelle ça brûler un hit. Pardonnez-moi, une personne moyenne de 21 ans va avoir des... Pardon encore. Quatrième semaine. Que je tousse dans le micro. En moyenne, une personne de 21 ans a passé 5000 heures à jouer à des jeux vidéo. 5000 heures à 21 ans. A échangé 250 000 courriels et messages textes. Et a dépensé ou a passé 10 000 heures sur son téléphone cellulaire. Probablement plus pour bien des gens, mais en moyenne, chez une personne de 21 ans. les macaques, voilà, en Thaïlande, un endroit qu'on appelle un Buddhist Shrine, donc c'est une place bouddhiste, là, en Thaïlande, ils vont enlever les cheveux des têtes des visiteurs humains et vont les utiliser comme soie dentaire. Donc t'arrives là, il y a un macaque, il prend les cheveux, passe ça, t'as quelque chose dedans, ouais parfait, je m'en occupe, et puis bye. C'est cool quand même, une drôle d'expérience. Qu'est-ce que l'abéduation? A-A-A-B-E-D-U-A-T-I-O-N. Abéduation, c'est quand tu ajoutes la lettre A au début du nom d'une compagnie pour apparaître au début d'un annuaire. Tu sais, dans le temps que les gens vérifiaient l'annuaire, il fallait que tu sois dans les A pour être vu en premier. Donc, abéduation, c'est quand tu ajoutes un A. E-A. Ensuite, les hommes qui ont une initiale, en fait plusieurs initiales, de ton prénom et de ton nom de famille, et qui forment entre elles un mot positif. Mettons, tu as les initiales L-O-V, comme love, OK? Je sais pas, t'es Leonard, Owen, Victor, quelque chose. Ou encore Win, W-I-N, vont vivre selon une étude. une étude avec source sur assemblagerequis.com. Ceux qui ont donc un nom et un prénom qui ont des initiales avec un mot positif vont vivre 4,5 années plus longtemps que ceux qui ont de mauvaises initiales comme BAD, B-A-D, ou PIG, P-I-G. Certainement pas véritable. Il y a sûrement juste une corrélation de fou derrière ça qui veut absolument rien dire, mais quand même, une étude a été faite à ce sujet-là. Si les pattes de ton chien sentent les croustilles de maïs, c'est un peu comme les Fritos, là. Ben, t'es pas tout seul si ton chien sent comme ça, si les pattes de ton chien sentent les Fritos. On a même un terme pour ça, c'est les Frito Feet, les pattes Frito, hein, Fritos, que ça a été inventé, ce terme-là, pour décrire l'odeur particulière des pattes des chiens qui sentent les Fritos. Le houblon contient des antioxydants. On sait qu'il y a plein de sources d'antioxydants, des fruits, entre autres, des jus. Mais il faudrait boire, donc dans le houblon, il y en a des antioxydants. Il faudrait boire, donc, 118 gallons de bière par jour pour avoir un certain avantage, un certain bénéfice, quelque chose de bénéfique par rapport au houblon et son antioxydant. Donc, je sais pas, ça m'a l'air d'un ordre. Donc, 118 gallons de bière par jour. Un genre de, comment dire... Pas un violeur, mais un dépravé, un sex offender, là, quelqu'un qui a été arrêté pour avoir fait des mauvaises choses sexuellement dans les années 1680. Il s'appelait Whipping Tom, Tom le fouetteur, si on veut. Donc, il levait les jupes des femmes, il leur claquait les fesses, il criait « Spanko! Spanko! » Puis il partait en courant. Donc, c'était Whipping Tom, Tom le fouetteur, mais tu sais, fouetteur, comment ça s'appelle? Wouch! Wouch! Spanko! On dirait une affaire de... C'est Panko, hein? C'est ça l'affaire de miettes de pain? Panko? C'est Panko. Bref. Il faudrait attendre jusqu'en 6009, l'année 6009, pour trouver une année qui va se lire pareil à l'endroit qu'à l'envers. La dernière fois que c'était passé, c'était en 1961. Donc, si tu veux en 1961 à l'envers, ça fait aussi 1961. C'est malade. On va attendre jusqu'en 6009. Tony the Tiger, Tony le Tigre, vous connaissez les céréales Frosted Flakes, bien sûr. Frosted Flakes, c'est comme des Corn Flakes, mais frostés, hein, givrés. Lui a battu Newt the Gnu, donc Newt le Gnu, hein, Elmo l'éléphant et Cathy le kangourou pour avoir le poste de mascotte des Frosted Flakes. Bravo à Tony le Tigre. L'éditeur de George Orwell n'aimait pas le titre d'origine « The Last Man in Europe ». Il a plutôt recommandé un autre nom qu'il avait dans sa tête, qui n'arrêtait pas de penser à ça, et ça a donné 1984, le célèbre roman avec Big Brother et tout ça. Donc c'était supposé s'appeler Le Dernier Homme en Europe, The Last Man in Europe. Une nouvelle étude nous apprend que pour les marques de luxe, les marques luxueuses, plus l'équipe de vente, donc plus les vendeurs sont méchants avec toi, meilleures vont être les ventes. C'est pas méchant, mais tu sais... à rebrousse-poil, c'est pas super sympathique, pas particulièrement aimable. Donc, plus ils sont rudes avec toi, et le mot qu'ils ont utilisé, plus ils vont faire de ventes. Je sais pas, peut-être que tu te sens obligé. À la Deuxième Guerre mondiale, des barres de chocolat imprégnées d'ail ont été données aux hommes qui étaient lâchés derrière les lignes ennemies. Donc, on lâchait des soldats dans le camp ennemi en Espagne et en France. On leur donnait des barres de chocolat avec de l'ail dedans pour qu'ils sentent comme les natifs de France. De l'ail. C'est cool, hein? Les personnes qui ont pris le premier ascenseur, même que je crois qu'ici, on dit escalator. Des fois, il y a la différence entre un escalator, tu sais, les petits escaliers bougeants, et les ascenseurs. Parce qu'au Royaume-Uni, ils ont tendance à utiliser lift pour un ascenseur. Donc, escalator, d'après moi, c'est des petits escaliers roulants. Donc, en 1898, les gens qui se servaient d'un escalator pour la première fois se faisaient donner du brandy une fois arrivés au sommet pour calmer leurs nerfs. Ils étaient tellement stressés. « Ah non, c'est quoi ça? Ça bouge seul! » Donc, du brandy, ça les calme un petit peu. Une étude par le département de la culture, des médias et du sport, encore une fois au Royaume-Uni, nous apprend qu'utiliser une bibliothèque, donc se rendre à la bibliothèque, ça va augmenter ton bien-être, autant que de recevoir une augmentation de ta paye de 1359 livres sterling. Donc, quand même une augmentation considérable de salaire. Juste aller à la bibliothèque fréquemment, ça va augmenter ton bien-être de la même proportion. un autre mot à deviner, abstracted. En fait, c'est un mot construit de toute pièce très récemment. Abstracted, c'est d'être distrait par une application ou un appareil mobile. Évidemment, t'es distrait. Distracted, app, une application, c'est clair. Les pancartes de rue dans un village en Autriche qui s'appelle Fucking. Vous avez peut-être déjà entendu parler de ce village-là, Fucking. Excellent nom, bravo. L'histoire derrière ça, j'imagine, est très farfelue. Mais le village autrichien de Fucking, les pancartes de rue sont plantées dans du ciment pour empêcher les gens de voler les pancartes. T'es intelligent quand même. Panapou, Qu'est-ce que c'est Panapo? Et là, on ne sait pas s'il faut prononcer Panapo, parce que c'est P-A-N-A espace P-O apostrophe, pardon, P-O apostrophe O. Donc, c'est de l'hawaïen, Panapo, pour se gratter la tête en essayant de se souvenir de quelque chose. Tu sais, gratte, gratte, gratte, gratte. Genre comme ça. Est-ce que ça fonctionne? Pas vraiment. Donc, Panapo, c'est de l'hawaïen pour se gratter la tête, quand tu penses. Les paresseux, l'animal, et non pas les humains, les paresseux, vont faire leur besoin numéro 2 seulement une fois par semaine. Et on appelle ça, dans le jargon du métier, la danse du caca. The poo dance. Let's do the poo dance. Non, on n'essaiera pas. Et en norvégien, finalement, paleg, P-A avec un petit rond dessus, là, L-E-G-G, paleg, c'est quelque chose qu'on pourrait mettre dans un sandwich. N'importe quoi qu'on peut mettre dans un sandwich, c'est paleg. Je vais commencer à dire ça. Moi. Cornichon, paleg. Viande froide, paleg. Petite genre de tapenade aux olives, paleg. Voilà pour cette première partie de C'est un fait. C'était paleg. Je mettrais ça dans un sandwich et je mangerais ça. Et je couperais ça en diagonale pour avoir une deuxième partie, une deuxième pointe de sandwich. Une deuxième partie de C'est un fait s'en vient dans quelques instants. Mais avant ça, on s'en va entendre une pièce du côté francophone. Voici Hôtel Morphée. Et si on partait ensemble pour de vrai. Si c'était vrai, et si c'était la fin de tous nos décombres, est-ce qu'on attendrait une autre journée pour tout faire marcher? Est-ce qu'on peut marcher un autre jour pour que tout commence? Dis-moi que tout vous êtes dans la zone 89.1. C'est fou. Switch. They don't Drive-by Truckers! Et la pièce de Shots Count! Deuxième position anglophone du palmarès, évidemment, de C'est Fou! On était en plein milieu de cet effet, alors retournons-y! Parce qu'il va falloir que je rechante encore, hein, je pense, mais oui. Des choses que tu sais pas, des choses que je sais pas, c'est un fait. C'est un fait. Des choses que tu sais pas, des choses que je sais pas, c'est un fait. C'est parfait. OK, c'est pas meilleur quand je change la mélodie non plus. Donc, on commence avec... on va y aller avec des faits un petit peu plus longs, un petit peu plus expliqués. Donc, malgré le fait que les gens pensent que les vinyles, c'est plus à la mode, c'est en train de mourir, tout ça, mais les ventes de vinyles augmentent selon une statistique de Digital Music News. Les gens préfèrent acheter des vinyles que de télécharger de la musique ou de l'air, comme on dit. Donc, la plupart des albums qui sont achetés peuvent être retrouvés dans des festivals de musique indépendante, dans des magasins particuliers indépendants aussi, et c'est surtout les gens qui achètent de la musique rock. En fait, en 2012 seulement, au-dessus de 4,6 millions de disques vinyles ont été achetés et vendus aux États-Unis seulement. Et selon la statistique, les disques vinyles ont augmenté de 17,7% depuis 2011. Les ventes de disques étaient de seulement 0,3 millions en 1993, donc ça a beaucoup augmenté. Tant mieux. Ensuite, Elizabeth Taylor a vécu tellement longtemps qu'elle a vécu plus longtemps que l'homme qui a écrit sa note de décès dans les journaux. Comment est-ce possible? Bien évidemment, vous vous doutez probablement que les magazines, les journaux et les sites web ont toujours des ce qu'on appelle en anglais des obituaries, qui attendent quand quelqu'un est malade. Donc, quand c'est une grande vedette, on veut l'avoir de près. Prête pour qu'aussitôt que la personne meurt, là qu'on puisse envoyer ça sur les fils de presse. Donc, Elizabeth Taylor avait un texte, donc un obituary de 4000 mots, qui était en réserve pendant plusieurs années. On disait que c'était trop bon pour la jeter. Mais c'est ça, c'est que la personne qui l'a écrite, cette notice-là, est morte 6 ans avant la mort d'Elizabeth Taylor. Donc, c'est Mel Gusso, qui était critique de cinéma et de théâtre. Il écrivait pour le New York Times pendant 35 ans. Il est mort en 2005 à l'âge de 71 ans à cause d'un cancer. Mais son byline, donc son nom, a quand même été affiché sur la notice d'Elizabeth Taylor lors de son décès en 2011. D'autres vedettes qui ont vécu plus longtemps que les personnes qui ont écrit leur texte. Bob Hope, entre autres, le texte est écrit par Vincent Canby, qui est mort en 2000, alors que Bob Hope était mort en 2003. Donc, une vraie victoire pour ces artistes-là d'avoir duré plus longtemps que les personnes qui ont écrit les textes de leur mort. C'est quand même assez lugubre. T'imagines, c'est ton travail d'écrire des textes sur des personnes qui ne sont pas encore mortes. Ça fait un petit peu peur. L'endroit où est situé Hyperion, le plus grand arbre du monde, est un secret. Pourquoi? Ben oui, le plus grand arbre du monde est un Redwood nommé Hyperion, l'arbre qui a été mesuré à 979,1 pieds. Ça a battu le précédent record qui était le Stratosphere Giant qui mesurait 370,5 pieds. Donc évidemment, c'est en quelque part en Californie, ça on le sait. Son endroit exact est gardé secret malgré le fait que bien des gens aimeraient avoir la réponse et aimeraient aller le visiter. Ben justement, c'est l'idée derrière le fait de le cacher. C'est que les chercheurs, les scientifiques ont peur que l'information qui fuiterait au public ferait qu'il y aurait plein de visiteurs qui viendraient et ça endommagerait l'écosystème local donc autour de l'arbre. Dans les parcs près de la côte du nord de la Californie, d'autres arbres ont rivalisé et même surpassé la hauteur du Stratosphere Giant. Ces découvertes-là de ces arbres-là ont mené à la croyance populaire qu'il y avait peut-être beaucoup plus d'arbres de grandeur monumentale, si on veut, qui ont été coupés avec le temps, hachés. Voilà. Donc, il y en a d'autres qui ont été sauvés de la destruction, entre autres celui-là, celui qu'on appelle Hyperion. Bon, c'est donc malheureux de savoir que c'est les visiteurs qui pourraient potentiellement causer problème. Le vert et non le rouge ou le rose était symbole d'amour et de sexualité. Donc, généralement, évidemment, quand on associe passion, désir à quelle couleur? Au rouge, d'habitude. Mais en fait, du compte, le vert a quelque chose à voir avec la romance et la sexualité. Dans les histoires de la période médiévale, le vert représentait l'amour et les désirs naturels de l'homme. C'était considéré comme une couleur donc d'amour grandissant et le vert plus pâle dans les vêtements en fond était réservé aux jeunes femmes qui allaient se marier. Dans la culture perse et au Soudan, donc ce qu'on appelle les femmes à la peau verte foncée, donc les femmes green women, étaient considérées comme quelque chose d'érotique. Donc on avait dans cette poésie-là, il y avait des femmes à peau verte dans les poèmes perses et du Soudan. Si on avance à la période plus moderne, donc dans notre contemporain adoré, les M&M verts sont considérés comme aphrodisiaques. Je crois que dans la publicité, il me semble que le M&M vert, c'est la fille, n'est-ce pas? À moins que je me trompe, il me semble que c'est ça. Donc, aphrodisiaque, quelque chose de sexuel, on le voit, elle dégage un arôme chocolaté. La compagnie, par contre, a dit que l'intérieur des M&M, c'est complètement identique, peu importe la couleur, il n'y a absolument aucune différence entre vert et les autres. Il y a une ville ancienne en dessous d'un lac en Chine qui date d'il y a plus de 1300 ans. Donc, c'est une ville magnifique, une ville complète, submergée, donc en dessous d'un lac qui a été fabriqué par l'homme. Donc, c'est un lac qui n'est pas naturel. C'est dans la province Zhejiang en Chine. Xixing City, ce qui veut dire Lion City, donc la ville des lions, du lion, date d'il y a plus de 1330 années, comme j'ai dit tantôt. Elle est toujours bien préservée encore aujourd'hui. Elle est submergée, en dessous de l'eau de Qiandao Lake depuis 1959. Donc cette ville-là a été submergée à cause de la construction d'une station hydroélectrique, Xinan River Hydropower Station, etc. etc. Les archéologistes... maudit que j'ai de la misère avec mes mots aujourd'hui. Plus personne pour m'aider. Ils l'ont renommé la ville capsule temporelle, si on veut, parce qu'elle ressemble encore à ce dont elle avait l'air il y a environ 1000 ans, étant donné qu'il n'y a pas de pluie, de vent et d'érosion, etc. Donc la ville ne se détériore pas. Les escaliers, les murs, les arches, un paquet d'affaires, tout ça reste. Et Xixing City a 5 portes, grandes portes dans la ville. Chaque porte a une tour et il y a 6 rues qui connectent ça. C'est super beau, allez voir les photos. Bref, c'est sur assemblagerequis.com. Le pire photobomb de tous les temps, vous connaissez les photobombs, c'est quand quelqu'un s'inclut dans une photo, s'insère, s'incruste, alors que tu veux pas vraiment qu'il fasse partie de la photo. C'était juste après minuit, le 1er janvier 2011. Reinaldo Daxa a pris une photo de sa femme, sa fille et une personne âgée de la famille. Mais il y a eu un petit peu plus de monde sur sa photo que prévu. Pardon, il a capturé la personne qui l'a tué. Une fraction de seconde plus tard, après avoir pris la photo, il a été tiré dans la poitrine et dans le bras. Il a été prononcé mort à son arrivée à l'hôpital, ce monsieur Daxa-là. Les feux d'artifice du Nouvel An, évidemment, ont caché un peu le son du fusil. Et le tireur et les deux personnes qui surveillaient le terrain pour s'assurer de ne pas se faire prendre sont partis dans la nuit. On les a pas revus. Sa famille, par contre, était étonnée que la photo montre de façon très, très claire le tireur. Ils ont pris leur photo, ils l'ont amené à la police et ils ont réussi, la police, à identifier l'assassin de Reinaldo Daxa. C'était Michael Gonzalez, un voleur de voiture qui était déjà suspect pour ça. Daxa l'avait envoyé en prison parce que le gars, Reinaldo Daxa, ce que je n'ai pas dit, c'est qu'il était councilman, donc c'était un homme de loi. Il avait envoyé cet homme-là, Michael Gonzalez, en prison. Il était sorti sur probation. Donc, il a été appréhendé après avoir évidemment tué Daxa. La photo a été sélectionnée plus tard par Time Magazine comme une des photos les plus virales de 2011. Vraiment bizarre comme histoire. Ce que le média vous a appris, vous a enseigné sur le programme de protection des témoins est complètement faux. Tu sais, on voit ça à la télé souvent, un témoin clé dans un procès va aller dans le programme de protection des témoins et ensuite va se faire tuer peu de temps après. Ben, ça peut pas vraiment, en fait, ça pourrait, mais ça arrive pas vraiment. En fait, le programme a réussi à protéger avec succès chacune des 8500 personnes témoins et 9900 membres de leur famille qui ont participé à ce programme-là depuis 1971. C'est un taux de succès de, si je fais mon calcul rapide, 100%. Hein, 18 400 personnes pendant plus de 40 ans. C'est vraiment très, très impressionnant. Et c'est surtout impressionnant, c'est le U.S. Department of Justice and U.S. Marshal Service qui s'occupe de ce programme-là. La plupart des détails sont complètement secrets pour des raisons évidentes. Mais les participants reçoivent une toute nouvelle identité avec des documentations autorisées et tout. Ce qui fait que c'est presque impossible de retracer cette personne-là. Le service va aussi donner aux témoins la sécurité dans les environnements qui sont un petit peu plus menaçants. Donc, ils vont avoir des gardes du corps, etc. Et les témoins vont aussi recevoir de l'argent pour leur maison, les soins médicaux, les choses essentielles de la vie. Et les participants reçoivent du training. Dans le fond, ils se font montrer comment faire différents travaux pour réussir à avoir un emploi. Ils ont aussi de l'assistance, j'imagine, s'ils n'ont pas d'emploi. Le programme est ouvert à n'importe qui témoigne pour la prosecution. Et c'est complètement volontaire, donc faut que tu te portes volontaire pour ça. Mais étant donné que tu dois complètement couper les liens avec toute ta précédente vie, donc tout le monde que tu connaissais, c'est généralement seulement utilisé par les gens qui sont vraiment en danger. Les témoins, d'ailleurs, fait que je ne savais pas, les témoins ont le droit de quitter le programme à n'importe quel moment, mais c'est très, très découragé. Donc, ils vous suggèrent pas de le faire, mettons, parce que dans ce cas-là, s'ils t'ont mis dans le programme de protection des témoins, c'est qu'il y a des dangers que tu te fasses tuer. Donc, sortir de ce programme-là, c'est peut-être pas une bonne chose. Trop de caféine peut te tuer. C'est ce qui est arrivé à un homme en Grande-Bretagne. Il faut pas essayer ça à la maison. Quand les gens te disent que les boissons énergétiques et le café peuvent être mauvais pour toi, ben ils font référence évidemment à la caféine dans les boissons. Ça accélère le battement cardiaque, ça va laisser la personne qui le prend complètement réveillée et alerte, mais le stimulant peut aussi être fatal. Pour Michael Bedford, un Britannique de 23 ans, le taux de mortalité, si on veut, de cet agent chimique qu'est la caféine est devenu un petit peu trop réel pour lui, selon l'article ici. Donc, il est mort en avril 2010 après avoir avalé une cuillerée de poudre de caféine pure. Poudre de caféine pure, c'est l'équivalent de 70 canettes de Red Bull. 70. Avant de tomber dans le coma et à sa mort, Belford a vécu des symptômes de nausée, la perte de ses capacités motrices. Ses amis disent qu'ils l'ont vu vomir du sang. Il a commencé à un petit peu mâcher ses mots, ne sait pas trop savoir comment parler, un peu comme moi des fois. Et il est tombé dans les pommes après ça. La poudre qu'il avait achetée, évidemment, il l'avait achetée où? Ben, en ligne, hein? Et ça venait avec un avertissement, pourtant un avertissement assez clair, qui disait que la personne qui ingère ce produit-là devrait prendre qu'un 16e de cuillerée à thé. Cuillerée à thé, c'est des petites, hein? Un 16e de cuillerée à thé à la fois. Mais je sais pas comment tu fais pour calculer ton 16e de cuillerée à thé, mais c'est vraiment pas grand-chose, c'est genre un soupçon au goût, tu sais. Donc, la leçon à retenir, évidemment, de lire l'étiquette et de peut-être pas boire non plus 70 canettes de Red Bull. Je vous le conseille pas. Tu peux devenir accro aux carottes. Parlant d'être accro à quelque chose, la caféine, c'est quelque chose qui, moi, me rend assez accro. Mais les carottes aussi, saviez-vous ça? Hein? Donc, les victimes d'addiction, si on veut, à la carotte, c'est complètement sérieux. Les victimes vont vouloir manger des carottes à tous les jours et ne pourront pas arrêter de penser à ça quand ils ne seront pas en train d'en manger. Le dessous de leurs pieds va même virer orange et le blanc de leurs yeux peut aussi être teint un petit peu orange. Ça arrive. Mais bon, là, on se dirait, être accro aux carottes, c'est une bonne chose, c'est un légume. Les légumes, c'est meilleur pour la santé que la cigarette ou l'alcool. Mais malheureusement, non. Vous vous trompez. Hein? Les carottes contiennent de la vitamine A. Et même si c'est essentiel dans la vie, la vitamine A, ça peut te tuer si t'en prends trop. Donc, c'est que ton foie doit faire du travail supplémentaire et n'est pas capable, à un moment donné, de fournir, de gérer ça. Donc, de grosses doses de vitamine A, ça peut aussi causer l'ostéoporose. Trop de vitamine A. Eh bien... un des plus grands problèmes pour les accros à la carotte, c'est d'avoir de l'aide, évidemment, parce que bien des gens vont rire dans la face de ces gens-là. Même les docteurs nient que c'est une vraie condition. Certains docteurs, pas tous, évidemment. Les accros peuvent arrêter. Il y a une femme, apparemment, qui a réussi à arrêter presque aussi facilement qu'un fumeur. Bon, félicitations à elle. La plupart des Américains préfèrent la viande blanche. Qu'est-ce qu'on fait avec la viande brune? Ben, ça pourrait vous surprendre, comme disent tous les articles. Faut absolument que tu nommes tes articles. La réponse pourrait vous surprendre pour être populaire sur Internet et ça me tape vraiment sur les dents. Donc, un grand pourcentage des gens aux États-Unis et au Canada, ailleurs, en Amérique du Nord, préfèrent manger de la viande blanche. Mais c'est ça, il y a des gens qui préfèrent la viande plus foncée aussi. Et qu'est-ce qu'on fait? C'est qu'on l'envoie en Russie. Parce qu'en Russie, les gens préfèrent la viande foncée. Et l'Amérique, les États-Unis envoyaient, jusqu'à quand même récemment, leur restant de viande foncée. Une fois séparé là-bas. En 2007, la Russie a payé 800 millions de dollars pour acheter 1,6 milliard de livres de viande foncée, viande brune. Malheureusement pour les deux pays, par contre, l'importation a un petit peu ralenti. Il n'y a pas si longtemps, la Russie a banni le poulet américain complètement. Ils ont enlevé ce système-là de la bannitude et la bannaison. Il y a sûrement un mot en français pour le ban, de ban. Mais bon... donc, ils ont remplacé ça avec une autre règle un petit peu moins intense qui interdisait l'utilisation de poulet congelé dans la nourriture qui est ce qu'on appelle « process », genre préparé. Donc, évidemment, ça a enlevé une grande portion de viande américaine du marché russe, étant donné que tout était envoyé froid. Selon les recherches, la raison pour laquelle les Américains préfèrent la viande blanche, c'est parce qu'ils croient qu'elle est plus tendre. Avant, c'était vrai, mais maintenant, les poulets sont plus élevés en usine que free range, comme on appelle, le genre libre de gambader partout. Donc, la viande foncée des cuisses est plus tendre maintenant qu'avant. Donc, apparemment, essayez-le. Moi, je sais pas si vous mangez du poulet plus foncé ou plus blanc. Moi, j'ai toujours préféré le blanc parce que j'aime mieux ça au goût. Je trouve que ça se défait mieux. Mais encore une fois, c'est peut-être une question du passé, tout ça. Le fromage bleu Stilton cause des rêves bizarres et personne ne sait pourquoi. Quelque chose d'étrange quand les gens consomment du fromage bleu Stilton avant de se coucher. Le British Cheese Board. Donc, c'est ça, le British Cheese Board. Je ne sais même pas comment... board en français, c'est quoi? C'est le conseil, si on veut, du fromage britannique. On fait un sondage en 2005. 75% des hommes et 85% des femmes ont vécu des rêves bizarres et très, très... vivides. Genre, quasiment lucides. Vivides, c'est comme... T'as l'impression de les vivre pour vrai. Après avoir mangé seulement 20 grammes, une petite portion de fromage, une demi-heure avant de dormir, avant de se coucher. Donc, Stilton, qui n'est pas une marque en passant... Qu'est-ce que c'est le Stilton? C'est une étiquette similaire à ce qu'on aux étiquettes pour le champagne. C'est qu'il y a des règles pour dire que ça peut être un champagne. Donc, les fromages Stilton ont le statut désigné, protégé de son origine par la Commission européenne. Bref. Et seulement 3 comtés peuvent produire un fromage qui est considéré Stilton. Il y a présentement seulement 5... est-ce qu'on dit compagnie de produits laitiers, si on veut, qui ont le droit d'en fabriquer? Il y a d'autres critères aussi pour être considéré Stilton. Je n'irai pas dans les détails. Mais est-ce que tu devrais éviter donc de manger ce fromage-là avant de te coucher, le Stilton? Ben, les rêves sont bizarres, mais selon Nigel White, qui est secrétaire du British Cheese Board, la planche à fromage, si on veut, donc c'est la personne responsable du sondage. Personnellement, il ne considère pas ça comme des cauchemars. C'est juste des rêves bizarres. C'est pas des cauchemars. T'sais. Donc, White donne 2 exemples de rêves dans une entrevue avec NPR, la radio publique aux États-Unis. Le premier, c'était un crocodile végétarien qui était triste parce qu'il ne réussissait pas à manger des enfants. Crocodile végétarien qui ne pouvait pas manger d'enfants, il est triste. C'est normal, c'est juste normal. Et le deuxième, c'était des soldats qui se battaient ensemble avec des minous à la place de leurs fusils. Ça, c'est juste bizarre. C'est pas des cauchemars. On s'entend des. Tu sais, si tu es des chats, ça fait Laser Cats. C'est pas mal, genre dans SNL, dans le temps de sketch Laser Cats. C'est tellement drôle. Donc voilà. Si vous voulez des rêves comme ça, le fromage Blue Stilton. IKEA utilise beaucoup de bois chaque année. Je pense que je vous apprendrai rien en vous disant ça, mais vous ne croirez pas combien. Encore un article avec une question. Vous ne croirez pas, vous n'en reviendrez pas. IKEA, donc, est l'endroit où aller si on veut évidemment des meubles pas chers. Je pense qu'on sait tous ici. Les Suédois. La compagnie suédoise est propriétaire de 349 magasins dans 43 pays. Et leur revenu total dépasse les 28,5 milliards en 2013. Dépassé. Donc, une aussi grande compagnie qui utilise des produits qui sont presque tous faits au moins partiellement de bois, bien évidemment, va utiliser beaucoup de bois. Et même que la compagnie IKEA utilise 1% de tout le bois commercial du monde entier, ce qui veut dire 17,8 millions avec un M, juste pas milliard, millions de verges cubes de bois. IKEA est consciente de ça et fait ce qu'elle peut pour être environnementale un petit peu plus. Donc, la compagnie a des buts à long terme, toujours des buts à long terme, jamais à court terme dans la vie, hein. D'avoir tous ces matériaux qui viendraient de forêts éco-équitables, sustainable, etc. IKEA, c'est écrit IDEA dans l'article dont j'ai juste lu IDEA. IKEA voudrait que 50% de son bois soit certifié par le Forest Stewardship Council, le FSC, eux qui approuvent d'ailleurs le papier du journal Zone Campus, d'ici à 2018. Présentement, ils ont 25% de leur bois qui est certifié comme ça. Ils aimeraient aussi participer à plusieurs projets de forestation pour aider à améliorer leur impact environnemental, par exemple Sow a Seed et la WWF, donc planter des arbres. Que vous soyez un fan d'IKEA ou non, au moins ils font leur part pour être un petit peu avoir une meilleure conscience, si on veut. Le plus long concert du monde va durer 639 ans. Le compositeur John Cage a commencé un concert il y a 10 ans, en 2001. Il y a 10 ans, en 2001. Pas vraiment il y a 10 ans, c'est plus il y a comme... 13 ans. Donc, à la St. Bertrand Church de Halberstadt, en Allemagne, ça devrait se conclure en 2640, après avoir complété sa 639e année. Pourquoi est-ce qu'on a choisi cette durée-là? C'est que 2001 marquait le 639e anniversaire de la construction de l'orgue par Nicholas Faber. Voilà. Certaines performances ont duré entre 29 et 70 minutes. L'orgue est automatisé et joue très lentement, donc tellement que les visiteurs doivent attendre plusieurs mois avant d'entendre un changement d'accord. L'orgue n'était pas encore terminé quand le concert a commencé. Les tuyaux, les pipes, ont été ajoutés depuis le début. Et la musique reste stable à cause d'un, ce qu'on appelle un blower, ça envoie de l'air constant dans l'orgue. Voilà, donc c'est un concert de 639 ans. Parlant de durée, la durée d'une journée n'est pas toujours de 24 heures. Quelles sont les plus longues et les plus courtes journées? Une journée de 24 heures est basée sur ce qu'on appelle la moyenne solaire, une journée moyenne, avec une moyenne solaire. Donc, la durée exacte varie pendant l'année. Elle est plus courte autour des solstices et plus longue autour des équinoxes, ce qui veut dire que c'est ce qu'on appelle donc la journée solaire apparente, et c'est mesuré par le temps que ça prend pour le soleil de partir d'un certain point dans le ciel et finir au même point, dans le fond, le lendemain. C'est ce qu'on appelle la journée solaire apparente. Là, je fais de la traduction littérale. J'espère que c'est la même chose en français. La plus courte journée solaire apparente est l'équinoxe d'automne à la mi-septembre. Les données de 1998 disent que la journée a duré 24 heures moins 21,3 secondes le 16 septembre de cette année-là. La plus longue journée, c'était le solstice d'hiver en décembre. C'est arrivé le 22 décembre 1998 qui a duré 24 heures et 29,9 secondes. Donc, ces valeurs-là vont changer à chaque année et ce serait vraiment très, très différent si on regardait sur une période de, mettons, 1000 ans. Là, ce serait pas mal différent. Là, c'est juste depuis... ça, c'était en 98. Bon. Donc, il y a deux causes possibles pour la variation de la durée des journées. La première est la même raison pour laquelle on a des saisons. C'est l'axe de la Terre lorsqu'elle tourne. Et le deuxième, c'est le fait que la Terre tourne autour du Soleil en ellipse et non pas en cercle. Donc, ça fait un ovale, une ellipse et non pas... un cercle. Ce qui fait que la Terre est plus proche ou plus loin du Soleil, dépendant du moment de l'année. Voilà qui est fascinant. Et pour terminer, tiens, le melon d'eau, le jus de melon d'eau est vraiment, vraiment bon pour la santé. Il y a plusieurs bénéfices, avantages à boire du jus de melon d'eau qui sont faits en passant des melons d'eau à 92% d'eau et donc sont très, très hydratants. Le jus de melon d'eau frais va permettre à votre corps d'absorber tout ce qui est nutritif à l'intérieur très rapidement et très facilement. Malgré le fait que c'est 92% d'eau, un melon d'eau, ça contient aussi la vitamine A, B1, B6, C et bêta-carotène, du lycopène, potassium, zinc, magnésium et chlorophylle. Le jus peut désintoxifier, si on veut, désintoxification de votre corps. Ça peut nettoyer vos kidneys. Est-ce que j'ai tout le temps la misère avec kidneys, si c'est poumon ou foie. Je crois que c'est les poumons. La vessie, entre autres, aussi, ça nettoie tout ça. L'excellente source de potassium, le potassium qui aide à régulariser la pression sanguine et ça aide à avoir une meilleure santé du cœur. Boire du jus de melon d'eau va aussi baisser les risques d'ostéoporose et de dégénération musculaire. Voilà. Le melon d'eau est aussi riche en aminoacides L-citruline, ce qui est parfait pour soulager les douleurs musculaires. Donc, on vous conseille de boire ça après avoir fait un entraînement. C'est ça pour les athlètes, entre autres. Une étude a enquêté sur le potentiel du jus comme drink, genre, pour les athlètes. Dans l'étude, 7 athlètes ont reçu 500 ml de jus de melon d'eau naturel qui contenait 1,17 g de L-citruline. I-citruline, je ne sais pas si c'est un I ou un L, peu importe. Donc, du melon d'eau aussi enrichi qui contenait 4,83 g de L ou I-citruline plus 1,17 g de melon d'eau et un placebo. Les deux jus de melon d'eau ont aidé à réduire le battement de cœur et la douleur musculaire en dedans de 24 heures comparé au placebo. Le melon d'eau contient aussi une haute dose de lycopène qui est efficace pour réduire les risques d'attaques cardiaques, de maladies du cœur et d'autres complications cardiovasculaires. Donc, le jus de melon d'eau à la place du jus de noix de coco pourrait peut-être vous aider dans la vie. Voilà. Ah, c'est tout pour cette chronique C'est un fait. On a vraiment fait beaucoup de C'est un fait aujourd'hui. La première heure, presque tout au complet concentré là-dessus, même si on a eu quand même pas mal de musique pour séparer ça, mais une longue chronique C'est un fait aujourd'hui. Ce qui va nous amener tout à l'heure à King Sexy Time. J'ai hâte à King Sexy Time, c'est toujours un très bon moment. Ça va être le même genre un petit peu, mais on a un petit peu moins que C'est un fait, donc ça va compenser pour la très très longue chronique qu'on vient de vivre là. On s'en va entendre une chanson de Chad Van Galen. Voici Where Are You? On écoute ça sur le palmarès anglophone, c'est fou. Palmarès anglophone qui va évidemment jouer pas au complet, mettons là, en partie. La semaine prochaine, c'est les jeudis entre 14h et 15h. Allez voir cifou.ca pour les heures de rediffusion. Mais pour l'instant, Where Are You de Chad Van Galen sur Cifou. 89 FM. We'll be right back. Chad Van Yellen et la pièce Where Are You, position numéro 17 anglophone. C'est là-dessus que se termine la première heure d'Assemblage Requis pour cette semaine. On se retrouve tantôt pour une deuxième heure qui inclura King Sexy Time. On aura aussi 5 espèces de répondre là. La chronique de gadgets inutiles, c'est dans la deuxième heure d'Assemblage Requis. Restez là. C'est assez fou pour l'écouter. 89.1. Bonjour, c'est toujours Assemblage Requis pour la semaine du 12 mai 2014. Je m'appelle Mathieu Plante. Stéphanie Paradis et Jean-Philippe Charbonneau seront de retour éventuellement à l'émission. Pour l'instant, c'est moi qui pilote ça tout seul. Et on va faire tout à l'heure la chronique King Sexy Time. On va parler de choses super sexuelles. Ça va être bien le fun. Ça va vous toucher. Ça va vous toucher. Mes amours, on écoute Pépé et sa guitare. Voici Je m'engage. Sur C'est fou. 89.1 FM. Touché. Bien déjà. Parce que le mariage c'était bon dans le temps que le monde crevait. À 35 ans, ça durait jamais trop longtemps. C'était à l'époque où quand quelque chose cassait, on le jetait pas, on le réparait. Aujourd'hui, le gros défaut, on se marie pour la photo. On reçoit deux toasters en cadeau qu'on garde en coxaille. So-so, le contrat est déjà signé pour le jour où ça va planter. Pour pas avoir à s'ostiner sur qui va garder la télé. Jusqu'à ce que la mort vous sépare. Je le sais qu'elle me demandera jamais de choisir entre elle pis ma guitare jusqu'à ce que la mort nous sépare. J'suis un chanteur non engagé et je m'engage pour l'éternité. Me signe tout un contrat avec une clause de non-échange pour son club en reconstruction. Je suis son joueur de concession. On a une équipe de champions. C'est ensemble qu'on est invincible. Que la route nous paraît moins longue. Que soudain tout devient possible jusqu'à ce que la mort vous sépare. Je le sais qu'elle ne demandera jamais de choisir entre elle et ma guitare jusqu'à ce que la mort nous sépare. Un chanteur non engagé et je m'engage pour l'éternité jusqu'à ce que la mort nous sépare. Je m'engage de Pépé et sa guitare, Assemblage Requis. Ça nous amène à Kinky Sexy Time. Je vais faire quelque chose avec Pépé et sa guitare. Manche de guitare, manche, tu sais. Ouais, une manche. En tout cas, quelque chose de cul. Hein, parce que c'est Kinky Sexy Time, évidemment, la chronique qui s'adresse à un public plus ou moins averti. Et aujourd'hui, quelle belle chronique que je vous ai préparée, qui commence par une rafale de fait. Le clac, clac, clac, clac, c'est fait. Le mois de mai, c'est le mois national de la masturbation. J'ai de la misère à le dire, c'est le mois national de la masturbation. C'est comme ça. Le 28 mai prochain, prenez ça en note, c'est le jour national de la masturbation. Mois de mai, jour 28 mai, belle date. Ça sent bien, ça. Une étude nous apprend que les hommes qui éjaculent au moins 21 fois par mois pendant le sexe ou encore pendant la masturbation ont un plus faible risque de cancer de la prostate. 21 fois par mois, c'est le 3 quarts du temps, ça? 7, 14, 21, 28? Ouais, à peu près le quart du temps. Le 3 quarts du temps. Donc, 21 fois, retenez ça. À chaque jour, environ 200 millions de couples ont des relations sexuelles et environ 400 000 bébés naissent. 200 millions de couples ont des relations sexuelles. Il y avait une paire de jumeaux et jumelles, mais tu sais, séparés, à la naissance, en fait. On va recommencer ça. Deux jumeaux, deux jumelles, séparés à la naissance, chacun, okay, en Angleterre. Et plus tard, ils ont marié l'un l'autre. Évidemment, pas les jumeaux ensemble, mais les deux couples de jumeaux, en croisés. C'est un peu mêlant, hein? Le toucher physique va vous rendre en meilleure santé. Une étude, en fait, plusieurs études nous apprennent que le massage, les câlins et se tenir la main, ça va réduire le stress et ça va aider le système immunitaire. Intéressant. Les femmes sont meilleures pour détecter le danger, les mensonges et font de meilleures décisions, prennent de meilleures décisions lorsqu'elles sont menstruées. Donc, détectent le danger, les mensonges et font de meilleures décisions quand elles sont menstruées. Pendant que 75% des hommes se rendent à l'orgasme pendant les relations sexuelles, seulement 29% des femmes disent se rendre à l'orgasme. Bizarre, hein? Mais ils savent pas comment faire comme faut, parce qu'il faut... Des fois, il faut travailler un petit peu plus fort. Il faut travailler dans les coins, comme on dit. go, ça sent la coupe. Selon un sondage d'adultes entre 20 et 59 ans, les femmes ont en moyenne 4 partenaires sexuels pendant leur vie, alors que les hommes en ont en moyenne 7. 4 chez les femmes, 7 chez les hommes, entre 20 et 59 ans. Le record du monde pour le plus de temps passé à se masturber jusqu'à l'orgasme, 6h30 pour une femme et 8h30 pour un homme. Des définitions de mots maintenant. Basso-exi. Qu'est-ce que ça veut dire, basso-exi? Basso, bisso, nabisso, basso, en haut, en bas, ou, non, je sais pas. C'est d'être attiré sexuellement, donc un éveil sexuel par l'embrassage. L'embrassement, pas l'embrasement comme Hunger Games, mais de se faire embrasser ou embrasser. Basso-exi, c'est ce qui t'excite. L'odaxélagnie. Odaxélagnie, c'est d'être excité par les morsures. Se faire mordre ou mordre. Ensuite, les mots sont beaucoup trop difficiles à prononcer. Algolagnie. Algolagnie, c'est l'amour de la douleur pendant les relations sexuelles. Algolagnie. Les humains sont biologiquement construits pour devenir attachés à ce qui leur est familier. C'est pour ça qu'on s'accroche à des relations même quand elles ne sont pas bonnes pour nous. Quand elles sont mauvaises pour nous, juste pas bonnes. Donc on est biologiquement fait pour rester attaché à ce qui nous est familier. L'engin masculin moyen chez l'homme mesure environ 3 fois la longueur de son pouce. OK, je sais pas si le pouce, tu sais, le pouce, est-ce qu'il va jusqu'au poignet? Tu mettons, tu prends le petit genre de mollet. C'est pas vrai. Donc le pouce, à partir de là, c'est évidemment qui est l'embranchement du pouce. Aucune relation est une perte de temps. Si on parlait tout à l'heure de relations qui durent trop longtemps, aucune relation est une perte de temps. Donc chaque relation échouée va quand même t'aider à trouver ce que tu veux. Ce que tu recherches en amour. C'est bien dit. J'aurais pu le mettre avec l'autre, ça aurait plus de sens que de parler de la longueur d'un pénis avec le pouce. Recevoir du plaisir oral avec l'introduction du liquide dans le corps via l'orifice de derrière, tu sais, par la porte d'en arrière. On insère du liquide, ça te donne du plaisir sexuel. On appelle ça de la clismaphilie. Clismaphilie, K-L-I-S-M-A-philie. Bravo. La tératophilie maintenant, c'est l'attirance sexuelle envers les gens qui sont entre guillemets déformés, donc une malformation, quelque chose comme ça. Donc ça s'appelle la tératophilie, T-E-R-A-T-O-philie. Une version de la tératophilie, on a déjà parlé de ça, c'est l'acrotomophilie, qui est l'attirance envers les amputés. Acrotomophilie. A-C-R-O-T-O-M-O. C'est une tératophilie, c'est une sous-branche. Ah. Alors que la salirophilie, c'est un fétiche sexuel ou une paraphilie, donc quelque chose de différent de la norme, qui a un rapport avec le plaisir sexuel en souillant l'objet de ton désir. En souillant, en le salissant, en faisant quelque chose dessus. Ce genre de choses-là, on se comprend. Souiller, qu'est-ce que ça veut dire? Hein? Wow! La pornographie en ligne, allons-y dans les affaires un petit peu plus expliquées. La pornographie en ligne va tuer ta libido. C'est tout à fait vrai. Donc, le sex drive, donc ta libido, c'est ton désir sexuel, ton désir d'activité sexuelle. Et le sex drive est déterminé par des raisons, des causes biologiques, psychologiques et des facteurs sociaux. Biologiquement parlant, les niveaux d'hormones comme la testostérone, c'est un nouveau prénom, je pense. Hey, la petite testostérone est tellement cute. Donc, on dit que ça affecte la libido. Les facteurs sociaux comme le travail et la famille vont aussi avoir un impact. Même chose pour les facteurs psychologiques internes, comme ta personnalité et ton stress. La libido peut être affectée par des conditions médicales aussi, les médicaments, le style de vie, les problèmes de relations. Une personne qui a une libido qui augmente soudainement, OK? Ou qui est, en tout cas, bref, des choses comme ça, hein? qui va augmenter vraiment beaucoup d'un coup sec, pourrait vivre ce qu'on appelle l'hypersexualité, où c'est un genre de puberté où le corps va avoir une plus haute libido en créant des trucs chimiques dans ton corps, donc t'as une hypersexualité, ce qui va te rendre tout le temps genre en manque, si on veut. Par contre, il n'y a pas de mesure universellement, il n'y a pas de consensus, si on veut, par rapport au niveau de sexe que tu es supposé avoir en moyenne. Donc, ben, en moyenne, on le sait, mais en temps normal, qu'est-ce qui serait correct pour toi? Les hommes dans leur vingtaine qui ont commencé à regarder de la porno très, très jeune dans leur vie et qui présentement consomment de la pornographie quotidiennement ont une plus faible libido ou sont même incapables d'avoir une érection. Ça, c'est selon un rapport de la Society of Andrology and Sexual Medicine d'Italie. Donc, quand tu regardes trop de porno, ton corps s'habitue à avoir besoin de la porno pour être capable d'avoir une érection ou de venir, si on veut. C'est pour ça que ça gâche bien des couples, bien des vies. Ils ont nommé cette condition-là la sexual anorexia, donc anorexie sexuelle. C'est quand tu consommes trop. Anorexie, on sait. C'est quelque chose. Certaines personnes vont souffrir d'un désordre génétiquement déterminé qui va causer une congestion nasale pendant les relations sexuelles. On a frôlé le sujet dans une précédente chronique, mais j'ai les détails ici. Ce qu'on appelle la honeymoon rhinitis, donc la rhinite de lune de miel, si on veut. C'est une condition où la personne qui en souffre va vivre une congestion nasale pendant les relations sexuelles. La condition a l'air d'être génétiquement déterminée. C'est causé par la présence dans le nez d'un tissu rectil qui va devenir donc qui va être rempli de sang. C'est bien ça, dans le fond, un peu comme une érection, c'est parce que ton engin est rempli de sang. Le tissu va être rempli lui aussi. Ça va causer donc l'excitation sexuelle. Ça va être un effet secondaire du système nerveux qui va amener des changements dans ton nez puis qui va te faire congestionner. Une autre condition rare qui existe aussi, c'est les gens qui éternuent, des fois sans contrôle du tout, vont juste se mettre à éternuer sans cesse lorsqu'ils vont penser à une activité sexuelle ou être en train d'en faire une activité sexuelle, en avoir une, je sais pas si tu peux faire, moi. Ouais. Donc, un phénomène qui est présumément relié à cette rhinite de lune de miel. C'est donc, apparemment, que c'est aussi un effet secondaire du Viagra. Voilà. Il y a un appareil sexuel, pas un appareil sexuel, c'est juste un appareil en général qui va permettre aux femmes d'avoir des relations sexuelles lorsqu'elles sont dans leurs règles. Donc, lorsqu'une femme est dans ses règles, des fois ça peut être une bonne chose, des fois ça peut être une mauvaise chose. Une bonne chose, c'est que tu sais que t'es pas enceinte, mais la mauvaise chose, c'est que tu seras pas capable d'avoir de relations sexuelles ou en tout cas, tu vas avoir de la difficulté à en avoir. Il y en a qui en ont quand même, mais les femmes vont des fois avoir de la difficulté jusqu'à temps que les règles soient terminées. Et bien maintenant, c'est plus obligé d'être comme ça. C'est le soft cup qui vient à notre rescousse, à leur rescousse plus qu'à moi. Ben ouais aussi, par association. Donc la soft cup qui permet à la femme d'avoir des relations sans dégâts pendant les règles. Une seule soft cup est supposée durer 12 heures, beaucoup plus longtemps qu'un tampon normal. Par contre, ça ne protège pas contre la grossesse. Donc tu pourrais avoir un problème si tu te sers que de ça. Servez-vous de ça avec d'autres choses, évidemment. Les relations sexuelles vont empêcher ou vont réduire le besoin d'aller faire tes besoins, d'aller faire pipi trop souvent. Donc, si t'as allé à la toilette trop souvent pour te soulager, c'est quelque chose qu'on a tous vécu, mais il y a une façon facile, c'est de penser au sexe. Selon une étude de la Baylor University, les chercheurs nous apprennent que penser aux relations sexuelles, ça va préoccuper ton cerveau, ça va te faire moins remarquer l'inconfort que tu vis, le besoin d'évacuer. Comme là, en ce moment, j'ai une petite envie de pipi, t'sais. Donc faire King Sexy Time va peut-être m'aider à passer au travers, t'sais. Bonne chose, je suis seul aujourd'hui, personne ne m'a dépanné. Donc, ça va être plus tolérable. Ça va pouvoir t'acheter un petit peu de temps, comme on dit, jusqu'à temps que tu es à aller aux toilettes ou à trouver un buisson. Si tu n'as pas de relation pendant que tu es marié, tu peux annuler ton mariage sans avoir à te divorcer. C'est ce qu'on appelle consommer le mariage. On a déjà entendu la phrase « consommer le mariage ». Dans plusieurs traditions, ça a rapport avec donc, ton statut civil, ton statut religieux. C'est le premier acte de relations sexuelles entre deux personnes après le mariage, dans sa signification légale, vient de la théorie du mariage. Ben, en fait, la théorie, c'était comme ça que le mariage était dans le temps. C'est que le mariage était fait seulement pour procréer. Donc, c'était légalement, c'était pour avoir des descendants reconnus légalement, donc par rapport aux deux partenaires. Donc c'est ça. C'était comme ça qu'on traitait le mariage. Donc, dans certaines traditions occidentales, un mariage n'est pas considéré comme un contrat légal ou valable, à moins que ton mariage ait été consommé. Donc, c'était pas de relation sexuelle pendant que tu étais marié. Le mariage peut être annulé sans avoir passé par le divorce, qui est beaucoup plus compliqué. Donc, c'est ce que ça disait dans cet article-là. En peut-être un petit peu trop de détails. Un député shérif a été accusé d'homicide après avoir trouvé sa femme en train d'avoir des relations sexuelles avec son père dans le lit de son fils. Timothy Brewer a donc été accusé d'homicide. Aggravated assault, il y a un paquet de termes légaux que je connais pas. Aggravated assault, attempted homicide, deux accusations de violence domestique devant un enfant. Assaut, donc violence sur un officier de police, intoxication, mauvaise conduite et un paquet de choses comme ça. Après avoir découvert un triangle amoureux et après une soirée remplie d'alcool. Donc Timothy a invité son père, le chef pompier Wesley Brewer, pour souper. Tout allait très bien. Le repas était magnifique. Tout le monde s'est bien amusé. Jusqu'à ce que la femme de Timothy, elle a dit qu'elle allait porter son fils au lit. Et là, les choses sont devenues un petit peu malaisantes, inconfortables. Ça n'a pas pris trop de temps avec Timothy. Il réalise que sa femme n'était pas revenue en bas. Et lui était assis tout seul dans sa maison. Donc, son fils a descendu les escaliers. Naturellement, évidemment, Timothy est allé en haut pour savoir où était sa femme parce qu'il était supposé aller coucher son fils. Finalement, Timothy a ouvert la porte de la chambre à coucher de son fils pour trouver sa femme sur son père en train d'avoir des relations sexuelles. Donc, naturellement, Timothy était sous. Il a réagi violemment. Il a battu son père. Il y a même ce qu'on appelle du pistol whip. Donc, il a fouetté le gars avec son fusil. Donc, les blessures de Wesley Brewer étaient tellement sévères, tellement intenses, qu'il était incapable de parler à la police quand elle est arrivée. Lorsque son père a été amené à l'hôpital, Timothy a essayé d'entrer dans la bâtisse pour essayer de tuer son père. Heureusement, l'oncle de Timothy était là pour prévenir la mort de Wesley. Hey, quelle histoire de fou! Hein? Ça ferait un méchant bon film, ou en tout cas, au moins un bon sketch. Aux Pays-Bas, ceux qui appliquent pour dans le fond, venir habiter au pays, c'est l'immigration, le processus d'immigration, ces gens-là doivent regarder des photographies de couples homosexuels pour savoir s'ils trouvent ça dérangeant ou non. Donc, les Pays-Bas, les Netherlands, c'est le 61e pays le plus populaire en termes de population dans le monde. Et comme la plupart des pays, on a un test d'immigration pour entrer là, pour devenir citoyen. Évidemment, on sait aux États-Unis, ils vont te demander bon, quel était le premier président américain, etc., etc. Mais un des tests aux Pays-Bas, c'est regarder une photo de deux hommes en train de s'embrasser. Et ensuite, ils te demandent si tu trouves que l'image est dérangeante ou pas. Est-ce qu'elle t'offusque? C'est pour déterminer si t'es fermé d'esprit par rapport au monde moderne. Si t'es capable de vivre dans un pays qui a de bonnes valeurs, qui traite les gens gays et encourage les gens à avoir une expression libre, donc à s'exprimer librement. Les Hollandais, c'est ça, Netherlands, c'est la Hollande. En Pays-Bas, je pense que c'est un mélange de plusieurs pays. Je vais dire Hollande. On sait, tout le monde se mêle avec ça. C'est comme Pays-Bas, puis Grande-Bretagne, puis Royaume-Uni. Tu sais pas trop. Il y en a qui sont un territoire. C'est plusieurs pays ensemble. Là, c'est juste le pays. Je vais dire la Hollande, dans ce cas-ci. Donc, les Hollandais croient que si tu es capable d'accepter l'homosexualité, alors tu peux accepter la plupart des choses dans le monde moderne et tu n'es pas pris dans les vieilles façons traditionnelles, périmées, passées date, etc. Tu n'es pas du genre à faire de la discrimination envers les autres. Il y a certains groupes qui sont pas touchés par ce quiz-là, ce petit questionnaire-là, sûrement animé par Guy Jodoin. J'imagine un quiz, tu sais. Est-ce que cette image-là vous dérange? Non. Donc, par exemple, les gens de l'Union européenne, les nationaux, ce qu'on appelle, ceux qui cherchent l'asile, les travailleurs qui font plus de 45 000 euros par année, tous ceux-là sont. Il y a une exemption, ils n'ont pas à faire ce test-là. Aussi, quelqu'un qui vient d'un pays où les droits homosexuels sont déjà acceptés ou commencent à être acceptés. Par exemple, États-Unis, ouais, mettons, Japon, Nouvelle-Zélande, Australie, Suisse et Canada. Les gens qui proviennent de ces pays-là, qui veulent aller habiter en Hollande, eux, n'ont pas à passer le test. Maintenant, un tout autre sujet. Mettons, vous êtes à un party. Vous remarquez quelqu'un sur qui vous avez l'œil depuis longtemps. Okay? Vous êtes capable, vous prenez tout votre guts, votre cran, votre ventre, votre cœur, et vous allez approcher cette personne-là, et finalement, cette personne-là finit par quitter. Là, t'es fâché, t'es triste, et t'as pas réussi à aller la voir. Qu'est-ce que tu fais? Tu te saoules, hein? Et bien, c'est à peu près ce que les mouches font. Même chose pour les mouches, même combat humain et mouche. Quand une mouche ne peut pas avoir de relation sexuelle, ils vont aller se saouler. Des études de l'Université de la Californie à San Francisco nous apprennent que les mouches qui sont pas capables de trouver quelqu'un avec qui copuler vont aller chercher de l'alcool gratis pour aller se saouler. C'est un avantage que tu as quand t'es mouche, tu peux aller un peu n'importe où, prendre de l'alcool gratuitement. Dans l'Antiquité, plusieurs armées, en fait, les armées victorieuses, celles qui gagnaient, allaient souvent violer l'équipe perdante. Donc, évidemment, quand tu es avec tes amis dans un jeu comme Call of Duty, tu vas aller faire du teabagging, qu'on appelle. T'sais, quand tu vas réussir à tuer quelqu'un et la personne est morte devant toi, tu vas aller faire le teabagging. Ça veut dire faire des mouvements de s'accroupir un petit peu, se relever pour faire pendre ton petit sac masculin dans sa face. C'est ce qu'on appelle faire le sac de thé, le teabagging. Ben, dans l'Antiquité, faire ça à tes ennemis, c'est un signe de victoire. Ça vient de quelque part, ça vient vraiment de la vraie, des vraies guerres. Donc, dans l'Antiquité, les armées victorieuses allaient souvent violer les hommes perdants et utiliser le sexe comme arme pour l'émasculation, donc leur enlever leur masculinité, si on veut. Façon de montrer qui était l'homme qui portait les culottes. C'est vraiment particulier, mais bon, donc le teabagging, sachez que ça vient de là. Voilà pour Kinky Sexy Time. Pas si mal. Chronique moyennement longue. J'aime bien. Tantôt, on va faire Sex Mais Ça Devrait Répondre là, la chronique de gadgets inutiles. Je vais vous demander de réagir et de me dire quel gadget vous iriez acheter si vous aviez le budget infini. Mais avant de passer à Sex Existe, voici Broken Bells et Medicine. Ah, ça me joue. Vous êtes dans la zone 89.1. C'est fou. Going to Hell de The Pretty Reckless sur le palmarès anglophone. C'est la position numéro 7 sur l'album Going to Hell. Vous êtes toujours à Assemblage Requis, l'émission estivale en pièces détachées. Maintenant, c'est le moment de dépenser notre argent, un peu comme des pièces. Il va falloir apprendre à s'en détacher. Hey, je n'avais jamais fait celle-là. En autant d'années, j'ai jamais fait cette blague. Elle est super bonne. Émission en pièces détachées, puis là, tu détaches tes pièces. Je pense que je la trouve trop intelligente. Voici Ça existe, c'est les deux réponses là. Se détacher de ses pièces. Faut que je les prenne en note, je suis seul. Je fais une bonne blague, puis il n'y a personne pour l'entendre. J'ai l'impression qu'il faut que je la refasse. Donc, ça existe, ça ne devrait pas. Là, c'est la chronique des gadgets inutiles. On va s'acheter des choses sur Internet. Commençons par, une chose avec laquelle on achète des choses, c'est son téléphone cellulaire. Je pense que la plupart des gens vont magasiner des choses sur leur téléphone cellulaire avant de même sortir leur portable, leur téléphone de salon ou de bureau. Quand vous le faites ou que vous utilisez votre fonction GPS de votre téléphone cellulaire, vous avez tout le temps votre téléphone sur une ventouse, sur la vitre. Tu sais, il faut tout le temps que tu regardes là, puis tu regardes pas le trafic pendant ce temps-là, tu regardes... Tu sais, il faut tout le temps que tu changes ta tête de place. Il te faut peut-être ce superbe rack, le Universal Car Steering Wheel Mount and Holder, qui coûte un très raisonnable 2,95$ chez allpewter.com. C'est vraiment un rack qui va s'installer après votre volant. Donc, genre petit rack de plastique qui est sûrement très cheap pour 3$ quand même. On s'entend que ça doit pas être de la grosse qualité, mais ça se pogne après ton volant et puis ton téléphone va accrocher après ça. Et tu peux y aller avec une variété de téléphones parce que ça va jusqu'à un maximum de 75 mm, l'espèce de bouche, si on veut, du rack. Donc, on peut même mettre le Samsung Galaxy S5 qui est un très gros téléphone. C'est fait en caoutchouc et en plastique. Des bandes de caoutchouc pour tenir après le volant et le reste en plastique pour faire le rack en tant que tel. Donc 3$ pour ça, si vous voulez peut-être vous faire prendre en train d'utiliser votre téléphone, parce que je me demande si il vous arrête quand vous servez juste du GPS. Est-ce qu'on peut bloquer toutes les autres fonctionnalités et montrer, tu sais, je peux pas envoyer de message texte, je peux pas recevoir de téléphone, ou peut-être que vous avez votre oreillette dans l'oreille, demander à Siri, hey Siri, écrire un message texte alors que le GPS, je sais pas, c'est une zone grise peut-être, je sais pas, je connais pas la loi. Bon. C'est ça, c'est le Universal... Alors, j'ai fermé la page alors que j'étais en train de dire le nom du produit tellement il est long. C'est le Universal Car Steering Wheel Mountain Holder. Le lien sur assemblagerequis.com. Est-ce que vous recevez des lettres et des paquets? Tout le monde reçoit des lettres et des paquets, mais vous voulez pas vous faire voler votre courrier par les voisins. Tu sais, ça arrive des voisins qui sont pas très gentils avec vous et qui veulent partir avec vos objets sexuels déviants que vous commandez par Internet. Donc, si vous en faites pour ça, il vous faut le Secure Logic Mail Vault Locking Mailbox. C'est une boîte aux lettres qui vient avec un poteau de la même couleur que la boîte aux lettres en tant que telle, avec des bolts, là, des trucs, des vis et des autres matériaux qu'il vous faut pour installer ça. Il y a une chute à l'intérieur de cette boîte aux lettres-là pour que la personne qui livre le courrier, le facteur, comme on l'appelle, puisse faire tomber vos enveloppes, vos magazines et même des petits colis dans la boîte qui est bien, bien barré, boîte sécuritaire qui s'ouvre avec un clavier qui fonctionne avec des piles. Donc, pas besoin de clé, seulement un code. Qui peut aller jusqu'à 8 caractères pour encore plus de sécurité. C'est programmable et changeable n'importe quand. Ça mesure 12,375 pouces par 18 par 21 pouces. Ça peut vraiment emmagasiner plusieurs jours de courrier si vous êtes en vacances ou parti pour une longue fin de semaine. La Mail Vault est disponible en noir, blanc ou un genre de beige chez Smart Home pour 249$. Donc c'est smarthome.com. Ensuite, ça c'est vraiment très utile. Si vous avez un crayon de plomb, et que vous avez utilisé votre crayon de plomb pendant très longtemps et il vous reste seulement le petit bout. Tu sais, le petit bout, tu peux pas écrire avec ça, c'est vraiment pas pratique. Donc, il vous faut le Pencil Extender, General Pencil Company Extender, qui s'appelle le Miser, M-I-S-E-R. Et c'est vraiment un petit bout de métal dans lequel vous insérez votre crayon et ça vous donne un plus long crayon. Hein? 7$ chez Amazon, le Miser. C'est pas demander mieux, là. Hein? Un plus long crayon de mine à la place de tout le temps les jeter et dépenser de l'argent. Ça coûte tellement cher, les crayons de mine. Non, mais quand même, je blague un petit peu, là, je suis sarcastique à mort avec ça, mais ça pourrait être utile pour quelqu'un. Quand vous faites des appels au téléphone, souvent vous êtes pogné pour vous mettre à l'autre bout du divan. Si vous voulez pas que l'autre personne entende, si vous avez un coloc, parent, peu importe, et vous voulez pas qu'il entende votre conversation, vous appelez, vous mettez sur le coin du téléphone. Vous voulez un petit peu de vie privée, il vous faut le First Call. C'est une chaise très confortable, coussinée, en forme de gros téléphone. Et c'est approprié parce que c'est fait évidemment pour parler, faire une conversation en privé. Je pensais m'en sauver, mais je m'en sauverai pas, je pense. Hey, je vais me prendre de l'eau, ça me dérange pas, ok? Ah, voilà. Une chance, on a des musiques de fond, hein, ça fait de la bonne radio. Donc, le First Call, divan en forme de téléphone, le design par RUW, plus de détails sur assemblagerequis.com. C'est beau, c'est une belle idée, c'est en forme de téléphone, il y a des petites pattes de bois. Disponible en vert ou en mauve. Je crois pas qu'on puisse l'acheter en ce moment, mais l'idée est bonne, ça devrait venir un jour. Tu peux t'accoter bien confortablement là-dedans. Mais on dirait que la forme de téléphone est un petit peu trop courbée. Je me demande si ce serait pas comme mal courbé, mal positionné. Ça va peut-être te faire plus mal au dos d'autres choses. Maintenant, tu as la constipation. Est-ce qu'il y a quelque chose de plus déplaisant que la constipation? Je ne le crois pas. Je pense vraiment pas, ça se peut pas. Non, il y a rien de pire que ça, on me confirme. Donc, non seulement c'est douloureux, mais en plus, t'as des gaz, t'es juste inconfortable toute la journée. Il y a des médicaments disponibles pour ça, pour traiter la constipation, c'est sûr, mais là, tu prends des produits chimiques pour calmer tes symptômes. Il y a une alternative pour les gens qui veulent pas de produits chimiques, c'est une capsule vibrante développée par une compagnie qui s'appelle justement Vibrant, V-I-B-R-A-N-T, qui présentement est en test chez une équipe de chercheurs avec Yishai Ron. Cette pilule, la grosseur d'une vitamine, est programmée pour commencer à vibrer 6 à 8 heures après l'avoir avalée. Et à la place de se dissoudre, elle va vibrer sur le chemin de ton système. Éventuellement, ça va se rendre jusque dans ton petit intestin. C'est bien ça dans l'ordre. Où ça va théoriquement induire un mouvement pour pousser les déchets, les compacter, les faire sortir par le bon orifice. Ça va empêcher la constipation. Donc, une étude sur 26 patients. Qui avaient des mouvements de boyaux seulement deux fois par semaine, ont essayé la pilule et ils ont remarqué une amélioration dans leurs habitudes de mouvements de boyaux. On va le dire comme ça, c'était beau la première fois. Hein? Donc, quand même, apparemment que ça fonctionne. Vibrant, V-B-R-A-N-T. Maintenant, pour ceux qui aimeraient aller en voyage, mais qui n'ont pas le budget, et là, ben, ils sont pognés dans leur bureau tout l'été à travailler, les pauvres, c'est bien triste. J'aimerais bien compatir, mais je suis pas dans votre situation. Donc, c'est des autocollants pour le mur. C'est par Fathead qui imite une fenêtre, une scène tranquille qui vient directement des îles, peu importe, avec du sable blanc, de l'eau claire et des palmiers. Là. Donc, si vous passez votre temps dans un cubicule ou dans votre bureau, peu importe, ben, vous allez pouvoir coller ça sur le mur pour vous assurer d'avoir une plus belle journée. C'est donc le Beach Instant Window Sticker, disponible chez Fancy, de Fancy, pour 80$ via assemblagerequis.com. C'est cher pour un collant, hein, 80$. Les imprimantes 3D sont partout, sont très populaires. C'est une expression que j'utilise souvent. L'imprimante 3D est de plus en plus populaire, de plus en plus abordable. Mais il y a des choses qu'on n'avait pas encore vues, des possibilités inconnues, inédites pour ces imprimantes 3D-là. C'est The Mink qui vient de lancer à la conférence TechCrunch Disrupt une nouvelle application pour les imprimantes 3D. L'imprimante utilise des couleurs et un logiciel pour imprimer du blush, de l'ombre à paupières, du lip gloss rouge à lèvres, gloss pour les lèvres, ouais, et d'autres types de maquillage. La créatrice Grace Choi dit que ces matériaux-là sont les mêmes substrats que les autres maquillages, et donc ça ajoute, l'imprimante va ajouter du pigment, de la pigmentation à des matériaux purs pour créer ce maquillage-là personnalisé. Et le système, ce qu'il y a de spécial, c'est qu'il permet le choix d'à peu près n'importe quelle couleur. Il n'y a pas vraiment de limite comparé aux marques de grands magasins ou de grandes marques de maquillage où tu dois choisir parmi les teintes qu'ils ont, qu'ils offrent, les nuances qu'ils offrent. Donc, tu peux même envoyer une image au logiciel et utiliser une pipette, comme dans les logiciels comme Photoshop, pour sélectionner la couleur exacte. Et ensuite, tu l'imprimes et ça te fait un maquillage exactement comme tu veux. L'imprimante Mink Makeup Printer devrait coûter moins de 200$. Là, on s'en vient vraiment dans des prix très, très, très abordables. Et sa créatrice espère lancer ça d'ici la fin de l'année. C'est fantastique. Donc, pour les filles, pour les gars, peu importe, tous ceux qui portent du maquillage, très, très, très bonne nouvelle. 200$, c'est très abordable. Ensuite, une autre belle avancée technologique. La plupart des gens aiment le chocolat. C'est rare qu'on rencontre des gens qui n'aiment pas le chocolat. Ça arrive. Ça arrive pas souvent, par contre. Mais en manger trop, ça peut te rendre grassouillet et ça peut faire pourrir tes dents. Mais grâce à la technologie moderne, vous allez pouvoir goûter le chocolat sans prendre une seule calorie. Cravings, c'est un nouveau genre de bonbon qui satisfait vos désirs de sucré, mais sans le sucre, sans les gras et sans les calories. Cravings fonctionne un peu comme les bandes qui se dissoudent. Tu sais, les petites bandelettes avec du rince-bouche dessus. Tu sais, il y en a un paquet. Il y en a même pour mieux dormir. Il y en a pour arrêter de fumer. Là, des petites bandelettes que tu mets sur ta langue et qui fondent. Mais à la place de goûter le rince-bouche, ça goûte le sucre. Ça goûte le chocolat. Ian Goldfarb, l'homme derrière Cravings, aimerait bien pouvoir créer d'autres saveurs plus tard. Par exemple, peut-être saveur de café, des trucs comme ça. Ceux qui achètent les Cravings au chocolat vont avoir la chance de voter sur la prochaine saveur. Une saveur inspirée de Willy Wonka aussi présentement. Chaque emballage de Cravings vient avec 24 bandes et même si tu les prends toutes d'un coup, tu vas même pas gagner une seule livre parce que c'est complètement sans calories, sans gras, sans sucre, rien. Cravings ramasse de l'argent sur Kickstarter entre maintenant et le 6 juin. On demande 10$ pour un emballage simple, 25$ pour un emballage de 3, 3 paquets de 24, 45 pour les 6. Et c'était vraiment chocolique, un paquet de 20 pour 90$, ça va vous donner 480 bandes de chocolat, ma bande de chocolat. Ah, que ça a l'air bon, ce Cravings. Allez voir la boîte, ça on dirait un emballage de caramel qui, moi, ça me touche beaucoup trop en ce moment. Maintenant, on va y aller un petit peu plus santé. Si vous avez des fruits à la maison et que vous voulez les garder pour plus tard, hein, les Cover Blubber font tout ce que du cling wrap. T'sais, on connaît les cling wrap, là, les glades pile moulantes, là, peu importe comment vous appelez ça, pellicule moulante qui vont enrober quelque chose comme un bol, mettons. Ben, si on fait la même chose, mais pour les fruits directement sans les mettre dans un bol, évidemment, ça va ajouter des déchets un petit peu dans les dépotoirs, mais quand même, ça va au moins protéger vos fruits et c'est réutilisable. Cover Blubber, donc c'est un emballage de caoutchouc qui fit sur la plupart des bols, des contenants et même des fruits pour créer un seau. Et là, on parle d'un airtight seal, donc vraiment, c'est protégé de l'air hermétique pour garder vos restants au frais. Donc, Cover Blubber qui est fait d'un matériel qui est approuvé par la FDA, la Food and Drugs Administration. Donc, en contact avec la nourriture, il n'y a aucun problème. Ça fonctionne sur la plupart des fruits qui n'ont pas des côtés exagérés ou épineux. Mais ici, épineux, tu sais, ils le mettent sur un ananas et ça fonctionne. Donc, ben, peut-être qu'il y aurait d'autres fruits que ça ne marcherait pas. C'est vendu en paquet de 4. C'est disponible en différentes grandeurs. Ça se vend pour... je recommence. Vendu en paquet de 4, qui les 4 sont de différentes grandeurs dans l'emballage. Ça se vend pour 20$ et c'est présentement hors stock. Mais allez voir le lien sur assemblagerequis.com et suivez un petit peu l'histoire. Vous avez peut-être des cartes d'affaires et vous aimiez beaucoup, ou vous aimez encore, je pense que c'est encore en nom, l'émission Le Banquier. Hein? Vous voulez imiter un petit peu le banquier. Les filles de Deal or No Deal. Eh bien, vous pourriez avoir votre valise qui ressemble étrangement à celle de Deal or No Deal, mais pour vos cartes d'affaires, comme j'ai dit tantôt. Donc, c'est la seule chose qui va rentrer dedans parce que c'est minuscule. C'est tout ce qui va pouvoir rentrer. Voilà, allez voir la photo pour voir de quoi ça en retourne. Entre 20 et 25 cartes d'affaires peuvent rentrer dans cette mini-valise. J'imagine, tu sais, avec l'épaisseur de 20 et 25 cartes d'affaires, vous pourriez mettre de l'argent, de la monnaie, des cartes de crédit, etc. si vous voulez, mais tu sais, il n'y a pas grand place. Mini-briefcase, business card case, ça se vend 12$. On a parlé d'arrêter de fumer tantôt dans la précédente chronique. Quand on parle de bâton cancérigène, n'importe quelle méthode pour arrêter est mieux que juste pas essayer. Hein? Dans ce cas-ci, on va un petit peu plus loin que juste les patchs, les gommes à mâcher, la méditation, les autres affaires super ésotériques. C'est le QuitBit. C'est un briquet qui utilise un petit truc pour chauffer, un heating coil, un petit peu comme un rond-poil ou un allume-cigarette, bref, pour allumer votre cigarette. Mais en le faisant, ça travaille pour vous faire arrêter de fumer. Donc, pour commencer, ça va vous montrer un paquet d'informations. Par exemple, le nombre de cigarettes que vous avez fumées jusqu'à maintenant, combien de temps ça fait depuis votre dernière cigarette. Et une fois que tu as connecté ça à ton téléphone cellulaire, à ton iPhone ou peu importe, ça va déterminer ton plan d'action, OK? Et ça va simplement arrêter de fonctionner quand ça va dépasser la limite. Donc, ça décide que tu allais passer de 25 cigarettes par jour à 20 en dedans de 2 semaines. Ben, c'est pas la limite d'une 21e cigarette parce que ça ne fonctionnera pas. Bien sûr, tu pourrais juste demander du feu à quelqu'un d'autre, mais on espère que les gens vont avoir assez de volonté, tiens, pour continuer avec ça. Ça coûte 79$ en ce moment. C'est sur Kickstarter. Évidemment, QuitBit, QUITBIT. Si vous avez un téléphone gigantesque, on a parlé tantôt du Samsung Galaxy S5, le Samsung Galaxy Note 3 est particulièrement gros. Oubliez l'envie d'amener votre pouce jusque dans le coin opposé de l'écran. Ça ne se fait pas. Mais les Japonais ont pensé à vous. Oh, une chance que les Japonais sont là. C'est un pouce additionnel, une rallonge de pouce, je dirais plus. Une rallonge de pouce en forme de pouce. Ça coûte environ 15$. C'est chez la compagnie Tenko, qui sont ceux qui font les gadgets les plus ridicules de tous les temps. Donc, allez voir, c'est vraiment... tu mets ton pouce là-dedans et ça ajoute à ton pouce un bon... Je dirais un pouce, peut-être même deux, de grandeur. C'est juste vraiment laid. Et en plus, on voit à l'intérieur la broche tactile, c'est ce qui fait que tu peux toucher à ça parce que dans le fond, ça conduit le courant de ton pouce, j'imagine, je sais pas trop quoi. On le voit au travers de la peau, là, c'est pas beau, là. On voit la barre noire dans le pouce, là, j'aime pas ça. Mais la fille a l'air bien sympathique et a l'air de vraiment aimer son pouce. Allez voir la page du produit sur assemblagerequis.com. Tiens, quelque chose qui ressemble à un pouce, c'est ce petit scanner SIO. Thumb-sized scanner, grandeur pouce, qui va analyser les affaires autour de vous. C'est un peu comme un genre de Shazam pour tout le reste. Tu sais, Shazam, c'est bien beau pour la musique, mais si vous voulez détecter autre chose que de la musique, ça fonctionne pas bien, tu sais. T'as bien beau pointer une tranche de poulet pressée, ça te dira pas grand-chose, tu sais. Ici, par contre, c'est que ce SIO-là analyse la composition chimique, ça envoie la signature spectrale de l'objet au serveur de SCIO, donc le SIO, pour l'analyser via ton téléphone intelligent. Okay? Donc, en termes plus pratiques, pour ceux qui sont à la diète, au régime, pointer SIO sur différentes nourritures, ça va révéler bon, si c'est bon, prêt à être mangé, le nombre de calories, la valeur nutritive. Tu vas aussi pouvoir scanner du plastique pour savoir si c'est recyclable. Hein? Tu vas pouvoir, peut-être, ceux qui fabriquent de la bière à la maison, de l'alcool, vont pouvoir vérifier le niveau d'alcool. Tu vas pouvoir détecter qu'est-ce qu'il y a dans ta pilule que ton docteur vient de te prescrire, ton médecin. Qu'est-ce qu'il y a dans un produit cosmétique? Est-ce que tes plantes sont en santé? Est-ce que la terre est sèche? Etc., etc. Pour vrai, la différence même entre un diamant et du zirconium. Mettons, tu reçois une bague de ton futur mari, une bague de fiançailles. Tu vois que c'est du zirconium, tu sais. Le vrai cuir par rapport au faux cuir. L'argent réel versus l'argent contrefaite. Ça finit plus, les exemples, il y en a beaucoup trop et c'est juste fantastique. C'est, on dirait une technologie venant d'une émission de science-fiction, mais c'est vraiment là. Ça va vous coûter 200$, c'est sur Kickstarter en ce moment. Il faut se dépêcher parce qu'ils vont tout vendre dans le temps de le dire, c'est sûr, sûr, sûr. Je vais voir, ils sont à 1 million... OK, regardez ça. Ils sont à 1 495 076 sur ce qu'ils demandaient, 200 000$. Tu sais, ils ont vraiment fait exploser de, je crois, 6 fois... leur objectif de vente et ça monte encore, même là je suis en train de vous en parler, ça monte 7272 backers de 7273, donc ça monte 116. Ça dit SIO, SCIO, votre sixième sens, un sensor moléculaire de poche pour tous. Et c'est basé à Tel Aviv en Israël. J'adore cette idée-là, je pense que ça va être mon gadget de la semaine, je mets mon étampe là-dessus. Ensuite, les lampes qui vont sur la tête, les petites torches, les headlamps, les petites torches, là, pour, les petites torches pour voir dans le noir, par exemple, quand tu fais de la randonnée. Donc, c'est bien pratique, ça donne une source de lumière, les mains libres. C'est bien cool, mais des fois, t'as, même si tu as les mains libres, tu veux pas l'avoir sur ta tête, tu veux l'avoir ailleurs. Peut-être que ça vise moins bien parce qu'il faut, tu sais, quand tu bouges ta tête, ça bouge tout le temps. Il vous faut la Pell Torch par Snowpeak. C'est une lumière, un câble et un power supply, donc le courant qui vient de là. La lumière peut être rapidement montée avec deux petits aimants. Donc, tu pourrais mettre ça sur ton collet, sur ta poche de chemise, sur ton sac à dos. Les deux aimants vont coller ensemble et ça va faire coller la lumière sur toi. Et il y a une jointure à boule, à balle, qui va permettre à la lumière d'être tournée, de faire une rotation et de la pointer où vous voulez. Le power supply peut être placé dans une poche ailleurs sur votre personne ou dans un petit sac ou attaché via une clip. Et les modes de luminosité, il y a élevé, moyen et variable. Il y a aussi un strobe d'urgence, une lumière genre disco. Donc le Pell Torch fonctionne sur 3 piles 2A, soit standard ou rechargeable pour 60$ chez The Snow Peak. Maintenant, quand vous manquez de café, ou peut-être que, comme moi, vous avez oublié votre café dans la cafetière et vous avez fait pourrir ça, ça a créé des champignons. Et là, vous avez fait comme une douzaine de fois le truc du vinaigre et de l'eau. Et vous êtes mentalement quand même pas capable de boire de votre café parce que vous croyez pas que c'est propre. C'est psychologique, c'est comme ça. Il me faut les Growers Cup Coffee Brewer. Moi, je suis vraiment un fan des petits cafés. Et là, je vais faire une plug ici, mais le café Starbucks en petite poche. Des petits genres de bâtonnets de café chez Starbucks. C'est quand même pas mal plus cher qu'un café normal chez Starbucks, mais ça fait un café qui goûte exactement la même chose qu'en restaurant. Et je capote sur le mélange. La pochette est grise, je me rappelle pas c'est quoi son nom. Pike quelque chose, Pike Place, quelque chose comme ça. J'adore la saveur, je la trouve magnifique. Ici, c'est un peu le même principe, c'est Grower's Cup. C'est peut-être pas la méthode la plus verte, parce que bon, tu sais, il y a un petit sac qu'il va falloir jeter. Mais quand c'est le matin, t'as besoin de café une fois de temps en temps, ça peut pas faire tant de mal que ça. Donc, c'est des sacs à utilisation unique, ça contient 18 grammes de café moulu de spécialité, donc spécialisé. Parfait pour faire deux tasses, tout en ajoutant juste de l'eau chaude. tu laisses ça pendant 2 à 4 minutes et tu verses ça dans ta tasse et c'est absolument super bon, qu'ils disent dans la critique ici. Il y a une petite pochette avec un filtre poreux à l'intérieur qui va s'assurer d'avoir le meilleur contact optimal entre l'eau chaude et les graines café, ce qui va donner une tasse comparable à une presse française, genre de bottom. Donc, pour en savoir plus, chez Growers Cup, environ 1,70$ par poche pour deux cafés, ce qui est beaucoup moins cher que le café chez Starbucks. Mais en tout cas, comme je vous dis, ma critique à moi des cafés Starbucks, c'est que ça coûte exactement pareil comme celui que tu achèterais si tu mets le bon dosage, la bonne quantité d'eau. Mais essayez ça, quand même, Growers Cup. Les voitures qui volent ne sont pas encore arrivées, mais les vélos qui volent, eux, le sont. C'est le Flying Bicycle. Pour seulement 45 000$, vous pouvez être propriétaire du premier vélo volant, qui est aussi un ultra-léger Parrot-Trike Flying Aircraft. Donc, derrière le siège, il y a un two-stroke gas engine, un moteur à gaz à deux strokes, j'ai aucune idée de ce que c'est, et une hélice, une vraie hélice. Si tu ouvres le sac à dos intégré, tu vas pouvoir déployer le para-wing et partir ton moteur et simplement décoller. Donc, dans les airs, le vélo est fait pour aller à une vitesse de 75 000 à l'heure sur une tank pleine, sur un réservoir plein. À une faible altitude, bien sûr, en bas de 4000 pieds. L'hélice, qui est faite de fibres de carbone, peut le faire aller jusqu'à 25 000 à l'heure. Quand tu atterris, tout ce que tu as à faire, c'est déplier le parachute, et pédaler comme à la normale. La machine, qui pèse 75 livres, fonctionne comme n'importe quel autre vélo lorsqu'elle est au sol. Ça mesure seulement 4 pieds de large par environ 8 pieds de long. Ça peut aller dans le trafic et dans la plupart des voies pour les vélos sur les routes. Et c'est pas assez de flexibilité pour vous de pouvoir voler et faire du vélo. On peut aussi le plier et le mettre dans la valise de la voiture. Donc, vraiment cool. C'est le vélo volant. Flying Bicycle. Voilà. C'est bien ça son nom? Flying Bicycles, oui. Sur bit.ly/flybike. Flybike. Ensuite, ça c'est juste vraiment stupide. si vous organisez une fête pour adultes, mais que vous voulez que ça ait l'air un petit peu d'une fête pour enfants, tu sais, genre de bonne humeur, tu sais, enfantin, le fun. C'est des jerk balloons. Ça existe. C'est des ballons qui disent, par exemple, bon, vous êtes un douchebag ou je te déteste. Des trucs comme ça. Et ça a l'air de ballon pour enfants, mais c'est écrit t'es douchebag. Je trouve ça cool. C'est juste le fun. Donc, allez voir ça. T'es adopté. C'est juste des blagues comme ça. C'est niaiseux. Ça vient avec 5 différents designs pour 7$. Si tu aimais, on va parler comme faut, hein. Si t'avais envie, mettons que ta vie ressemble à un filtre Instagram. C'est bien le fun Instagram, mais il faut que tu prennes la photo, puis que tu la passes dans le fil, puis que tu la mettes en ligne, mais tu vis pas vraiment dans l'Instagram. Ici, c'est des lunettes. C'est une nouvelle série qui s'appelle TENS, T-E-N-S. Leur création a un vrai filtre photo, mais dans la vraie vie. Donc, ce qu'ils voulaient faire chez TENS, c'est créer une façon d'amener Instagram dans absolument tout autour de toi. Donc, ici, ils disent, et je cite, ici, il y avait une façon de laisser faire la caméra et les applications. C'est le cofondateur Marty Bell qui dit ça. Et s'il y avait une façon de filtrer tout ce qu'on voit tout en étant complètement déconnecté de la technologie. Donc, c'est des lunettes de soleil disponibles pour précommande sur l'incubateur Indiegogo, le site de crowdfunding, où le projet a ramassé 1700% de son but jusqu'à maintenant. Donc, on dit qu'on est rendu à 191 944 livres sur un objectif de 9400. Ça va très, très, très, très, très, très bien pour TENS, le vrai filtre Instagram dans la vraie vie. Et finalement, un dernier, tiens, je ne savais pas que ça existait un fantasme de se faire écrapoutir l'engin masculin, mais pour moins de 40$, vous pouvez vous aussi vous faire écrapoutir l'engin ou encore vos testicules par le Master Series Penis and Testicle Crusher. C'est fait de plastique transparent pour pouvoir voir vos organes en train de se faire massacrer silencieusement alors que vous êtes en agonie. Abusez de vous-même pour seulement 40$. Ça finit bien ce bloc de ça existe, mais ça ne devrait pas, on l'a. Ce qui nous amène à la fin de cette heure. Colin, on a passé une bonne partie de l'heure à parler de gadgets à acheter. On va se retrouver dans quelques instants pour une troisième et dernière heure. Et dans cette dernière heure, on va avoir, entre autres, les instructions d'assemblage. Aussi, Mathieu Roy s'en vient avec sa nouvelle chronique humoristique estivale ou estivale humoristique. Mettez ça dans l'ordre que ça vous tente. On va rire avec lui. Espérons-le. Je vous donne une chance de me faire rire aujourd'hui. Restez là. FOU 89.1, la radio des étudiants de l'UQTR. C'est fou, ça! Bon retour sur la troisième heure d'Assemblage requis pour la semaine du 12 mai 2014. Je m'appelle Mathieu Plante, Stéphanie Paradis et Jean-Philippe Charbonneau seront de retour éventuellement. L'émission, on a hâte d'avoir un petit peu de visite parce que là, c'est un petit peu plate tout ça. Mais vous et moi, on s'entend, on se comprend bien. On a une complicité volontaire et une symbiose évidente, vous et moi, aujourd'hui. Donc, on continue pour une troisième et dernière heure. Il va y avoir dans cette heure-là la chronique « Les instructions d'assemblage ». Et Mathieu Roy s'en vient tantôt avec son petit segment humoristique. Mais avant ça, une petite chanson. Tu sais, avant de se dire quoi faire, on va prendre le temps de faire une petite sieste. Voici La Fatigue, dont on a créé un monstre. Assemblage requis sur C'est fou. Fatigue de nos très bons amis de chez On a créé un monstre. Vous êtes à Assemblage requis et maintenant, oh oui, oh, les oiseaux. Les oiseaux, je les avais oubliés. Ils étaient là en arrière puis ils m'attendaient. Ils veulent savoir comment vivre leur vie. Parce que c'est bien beau se faire cracher tout cuit dans le bec. Là. Mais c'est, eux autres aussi ont besoin de direction un petit peu. Donc voici les instructions d'assemblage. Nous vous remercions d'avoir acheté le machin. La poursuite de ces instructions vous conduira à son assemblage. Étape 1. Prenez d'abord le bidule et l'insérez tout au fond du tige numéro 2. Retournez ensuite la tournevis numéro 24 contre vous. Prenez quelques vis numéro 77 et boulez-les aux charpentes numéro 39. Serrez ardemment avec la clé numéro 17. Repliez le tige numéro 45A. Ouais, mais ça marche pas. C'est des instructions d'assemblage. On vous dit un petit peu comment vivre. Un petit peu comme vos parents qui n'ont peut-être pas assez fait. Je suis là pour comme un genre de deuxième mère ou un troisième parent ou peu importe, il y en a qui ont des gardiens. Faut pas, tu sais. Il n'y a pas juste des parents dans la vie, des gardiens aussi. Donc, commençons pour trouver une façon de. Mettons, vous avez un high, vous avez envie de sucre, vous avez envie de sel, vous avez envie de plein d'affaires. Donc, pour vous empêcher d'avoir faim, choisissez quelque chose dans chacune de ces deux colonnes-là. Donc, dans le. Évidemment, la photo est sur assemblagerequis.com. Je vais faire de mon mieux pour vous l'expliquer. Mais une colonne fibre et une colonne protéine. Donc, il faut les deux. Par exemple, vous pourriez prendre dans la colonne de gauche. Évidemment, il va falloir matcher un de la colonne de gauche avec un de la colonne de droite. Est-ce que vous comprenez? Bon, dans la colonne fibre, il y a des baies, des pommes, céleri, peut-être du brocoli, carottes, poivrons, avocats. Il y a des petits pains croquants genre crisp bread, ça existe. Et wheat bran, donc des flocons de, je crois que c'est blé, wheat. Hein? Ça, c'est la colonne des fibres. Colonne protéines, il faut matcher ça maintenant. Prendre un de la colonne de gauche et y aller avec soit fromage cottage ou cottage, du beurre d'arachide, beurre d'amande, beurre de noix de coco, yogourt grec, fromage faible en gras, de l'humus, de la trempette au black bean, là, des black bean. Pas olive noire. En tout cas, des black beans, bon. ou encore des vegetarian baked beans, donc des genres de five végétariens. Donc, un de chaque colonne, ça va être bon pour vous. Ensuite de ça, la motivation arrive quand tu regardes les choses que tu veux et que tu réalises ce qu'il faut pour que tu t'y rendes. La motivation, c'est d'être capable de voir qu'il faut que tu travailles fort pour atteindre un but. Que ce soit, par exemple, perdre du poids, peut-être acheter quelque chose. Te motiver, c'est de trouver la motivation pour réaliser ce qu'il faut pour être capable de se rendre jusque-là. L'horaire quotidien du bonheur, tiens, après t'être levé, et là, on nous dit que c'est comme une longue liste de choses à faire, l'horaire quotidien pour être heureux. Après t'être réveillé, bon, premièrement, il faut te lever tôt. Moi, je mettrais peut-être pas ça dans la catégorie après s'être levé. De se lever tôt. C'est plus avant ou pendant. Ensuite, faire des exercices ou aller se promener, marcher, manger un fruit, écrire une liste de 10 choses que tu, pour lesquelles tu es reconnaissant, que tu reconnais dans la vie. Okay? Créer et suivre une liste de choses à faire d'au moins 5 choses. Okay? Ensuite, pendant la journée, donner à quelqu'un un compliment sincère. C'est bien ça. Septième, si quelqu'un essaie de partir sur des discussions de rumeurs, tu sais, genre de parler contre les gens, tu sais, ce qu'on fait tous, là, je sais bien. Mais si quelqu'un fait ça, change de sujet. 8. Organise ton bureau. Si tu es organisé, tu vas être plus motivé à travailler. Complète ton travail dans les temps requis. Aide quelqu'un à faire quelque chose. Ensuite, après le travail, passer 30 minutes à faire un hobby, quelque chose que tu aimes faire. 11. Nettoyer la maison pendant 20 minutes. Ensuite, regarder la télé pendant pas plus qu'une heure. Lire pendant au moins 30 minutes. Et ensuite, aller se coucher avant 22 heures. Ça, c'est l'horaire du parfait bonheur selon Internet, selon ce petit conseil-là de live cheating. Donc, allez voir assemblagerequis.com pour la liste complète. Qui est pas mal ce que je vous ai dit, mais si vous ne l'avez pas retenu. Revenons sur un conseil qu'on a mentionné il y a quelques semaines et que je m'étais un petit peu fourvoyé. Pas vraiment, ça doit marcher quand même. Mais on disait pour les filles, pour avoir des cils un petit peu plus courbés, on disait de faire chauffer votre lash curler, votre truc à sourcils, de le faire chauffer. Et là, on disait, Stéphanie et moi, bon, le faire chauffer, est-ce qu'on le fait chauffer dans l'eau chaude? C'est de le faire sécher, j'ai la réponse ici, avec un séchoir à cheveux chaud, pendant entre 5 et 8 secondes avant de le passer dans vos cils. Et c'est là que ça va faire une belle courbe. Donc, passez votre courbe cils au séchoir. Et ensuite, ça c'est vraiment intelligent de toujours garder ses reçus quand tu voyages. Donc, tu atterris à l'aéroport, tu arrives au carrousel de bagages et tu trouves pas tes bagages. Le bureau qui s'occupe des bagages dit, bon, ben, vos bagages ont été mal dirigés, ils vont arriver demain, ils vont t'envoyer sur ton chemin avec un petit morceau de papier. Donc, quand ça t'arrive, si ça t'arrive évidemment, achète ce qu'il te faut quand t'en as besoin. Garde tes reçus. OK? Donc là, tes valises sont ailleurs. Ils vont arriver demain. Bon, t'achètes de la pâte à dents, des affaires comme ça, peut-être un fer à friser, je sais pas. T'achètes les nécessités, un rasoir, du shampoing, etc. etc. Aussitôt que tu quittes l'aéroport, tu achètes ça. Et tu gardes les reçus. Si les magasins sont ouverts, tu peux m'acheter des shorts, des t-shirts, sous-vêtements, tout ce que tu as besoin pour au moins jusqu'au lendemain. Peut-être pas plus que ça, parce que tu vas ambitionner. Là, le lendemain, appelle pour savoir si tes bagages sont arrivés. Si la réponse est « on les a ici, où est-ce qu'on peut les envoyer? » Ben, retournez magasiner et achetez tous les vêtements qu'il vous faut jusqu'au moment où vous allez pouvoir aller les chercher, OK? Gardez encore une fois vos reçus. Et quand vous, vous arrivez, quand vous allez partir, dans le fond, vous pouvez même acheter de nouvelles valises. Et encore une fois, gardez les reçus. Les gens souvent vont s'empêcher d'appeler des affaires, d'acheter des affaires en remplacement parce qu'ils pensent qu'ils vont bon gaspiller de l'argent ou que c'est une crosse et après ça ils demandent de revoir leur argent. Mais tu t'empêches de vivre et t'es en voyage, t'es supposé être heureux. Donc le conseil qui est donné par les pilotes d'avion. OK? C'est un pilote d'avion qui a conseillé le gars qui écrit l'article que je suis en train de vous lire sur assemblagerequis.com. Donc, c'est lui-même qui a conseillé ça, d'acheter les affaires qu'il te faut, garder les reçus et passer une réclamation et la ligne aérienne va vous rembourser. C'est ce que le pilote dit. Donc, le gars, ici dans l'article, a dû le faire deux fois. Et les deux fois, même si éventuellement ses valises sont arrivées un jour, la ligne aérienne a quand même remboursé chaque cent qu'il a demandé. Donc, mais tout ça, évidemment, seulement si vous avez vos reçus. Mais c'est génial quand même. Tiens, quand les choses vont mal dans votre vie, hein, rappelez-vous ça. Ça prend 6 mois pour construire une Rolls-Royce et ça prend 13 heures pour fabriquer une Toyota. Hein? Donc, des fois, il faut travailler fort pour avoir de la qualité dans sa vie. Quand les choses ne fonctionnent pas pour toi, dites-vous qu'au moins vous travaillez pour une bonne raison. Donner aux sans-abri, ah, tu sais, ça c'est un petit conseil que je trouve un petit peu quétaine, mais ça dit de donner aux sans-abri des cartes cadeaux à la place de donner de l'argent. Comme ça, ils n'auront pas le choix de dépenser ça sur de la nourriture quand tu leur donnes une carte cadeau pour une épicerie. Même si la plupart du temps, les épiceries sont rendues qui vendent des affaires qui ne sont pas vraiment de l'épicerie, mais bon. Pourquoi boire du thé, tiens? Les avantages du thé, ça contient des niveaux élevés. C'est quoi le trifluvien en moi qui sort? Des niveaux élevés d'antioxydants. Il n'y a pas de calories dans le thé. Les thés peuvent aider à vous calmer, certains thés. Peut-être plus des tisanes, mais quand même, ça aide à vous calmer et à vous réconforter. Votre peau va être plus belle et le thé, donc, peut vous aider à. C'est ça, tantôt, j'ai dit vous calmer, vous réconforter. Le cinquième, c'est vous aider à mieux dormir le soir. Bon. Moi, j'avais entendu dire que le thé contenait de la théine, qui est la même chose que la caféine. Mais ça dépend des gens, ça dépend des sortes de caféine, j'imagine, de thé. Ça, c'est un petit peu bizarre pour les personnes qui portent des talons hauts. Trouvez des petits trucs de plastique qui sont de la même grandeur que votre soulier et qui ont un petit pied. Tu sais, un petit peu comme des soutiens de plastique. Là, pour. C'est un petit peu difficile à expliquer, mais c'est comme un cylindre de la grosseur, à peu près de la largeur de votre talon. Et en dessous, il y a comme une petite plaquette, un peu comme pour une figurine dans un jeu de société. Souvent, ça va venir sur un morceau de carton et tu vas avoir un petit socle pour le faire tenir, c'est en plastique. Bon, même chose, mais mettez-le après votre talon de soulier, avec de la colle, évidemment, faites tenir ça bien comme fou, et vous allez pouvoir marcher dans le gazon, par exemple, peut-être un terrain de golf, ou des fois, vous avez à traverser du gazon ou une surface qui est plus terreuse, vous allez pouvoir mieux tenir et ça enfoncera pas. Je trouve que c'est une bonne idée quand même. C'est un peu laid, mais en dernier recours, ça pourrait être pratique. Ignorer votre passion, c'est comme un suicide ralenti. Hein? C'est une belle petite phrase ici. Donc, n'ignorez jamais ce que votre cœur désire. Moulez votre carrière autour de votre style de vie et non votre style de vie autour de votre carrière. N'est-ce pas sage, ça? Faut suivre ses passions dans la vie, d'où l'idée de travailler assez fou. Hein? Si vous améliorez l'humeur d'une seule personne par jour... Si vous comptez rapidement, vous allez avoir amélioré la vie de 14 600 personnes en dedans de 40 ans. Et ça, ben, ce n'est pas peu dire. Essayez d'améliorer la... T'sais, on dit faire une bonne action, ça peut juste être de sourire à quelqu'un, juste de complimenter, de dire comment ça va, bonne journée. T'sais. Juste être gentil avec les gens, à tous les jours. C'est une façon de vivre. T'sais. Comptez pas le nombre de gens que vous allez faire en 40 ans, que vous allez rendre heureux. Faites juste être une bonne personne. C'est ce que je demande. C'est tout ce que je demande. C'est tellement émouvant. Ensuite, récompensez vos enfants pour les choses qu'ils font à la place des choses qu'ils vont... c'est de leur donner des récompenses, non pas des objets, mais des périodes de temps, des trucs comme ça. Donc, quand ils font quelque chose de bien, okay, ils vont pouvoir choisir une balle. Prenez, mettons, des balles de ping-pong colorées peut-être dans un grand bocal. Et ils vont pouvoir prendre une balle dans le pot. Et par exemple, peut-être rester debout plus tard, hein, plus longtemps. Aller jouer dehors plus longtemps. Des trucs comme ça. Donc, une bonne façon de montrer à vos enfants que les expériences vont être plus importantes comme récompense que les objets. Je trouvais ça beau aussi. Ça, c'est plus humoristique que d'autres choses. Là. C'est vraiment pas une instruction d'assemblage proprement dit. En tout cas, bref. Vous avez peut-être vu passer ça sur Facebook, mais je le trouvais drôle. Je voulais la partager quand même. C'est un guide pour faire les selfies. Parfait. Donc, le selfie parfait. Étape numéro 1. Mets ton téléphone plus bas que l'habitude pour prendre des selfies. 2. Baisse-le encore plus. 3. Mettez le téléphone sur la table. 4. Arrêtez de prendre des selfies. C'est vraiment n'importe quoi, c'est juste une joke. Mais je la trouverai drôle. Ensuite, tiens, pourquoi pas, la meilleure façon de faire confesser quelque chose à quelqu'un, c'est de garder le silence complet. Parce que les personnes ont tendance à pas aimer le silence. Ils trouvent ça malaisant, inconfortable. Donc, si vous restez silencieux dans une conversation où vous étiez en train de parler quelque chose, que tu veux que quelqu'un confesse, ben dis rien. Puis la personne va peut-être le confesser. Bon. Si tu viens d'écrire quelque chose par accident sur un tableau, tu sais, les tableaux blancs sur lesquels on écrit avec, avec des crayons spéciaux, vous avez accidentellement écrit avec un marqueur permanent. Écrivez par-dessus avec un dry erase marker, donc un marqueur qui est fait pour ces tableaux blancs-là, et vous allez être capable de tout effacer. Donc, écrivez par-dessus le marqueur permanent avec le marqueur, le crayon normal du tableau blanc. Et ça fonctionne selon les commentaires que j'ai vus sur Twitter, juste ici devant moi. Une autre phrase cute, rappelez-vous que c'est correct de ne pas être parfait. C'est correct d'être parfait aussi. Mais non, c'est pas vrai. Rappelez-vous que c'est donc correct de ne pas être parfait. Tout le monde a un défaut et il faut juste s'assumer dans la vie. Ça, c'est vraiment bien aussi. Votre chien, des fois, quand il va marcher l'été sur l'asphalte, l'asphalte est très, très chaude. Et votre chien ne va pas vous dire « Ah, allô, c'est parce que l'asphalte est chaude. » Mettez le dessus de votre main, pas la paume, mais l'autre côté, le dessus de votre main, sur l'asphalte pendant 7 secondes pour vérifier si c'est confortable pour votre chien. Bonne chose, non? Quand même. Je trouvais ça intelligent, mais intelligent pas mal. Rester debout pendant une heure. On nous dit que ça dépense 120 calories. Ça, c'est rester debout, juste debout pendant une heure. Ça fait 120 calories de brûler. Si vous marchez, imaginez, vous brûlez encore plus de calories. Donc, marchez de plus en plus. Moi, je suis rendu avec un appartement très, très proche, à genre 9 minutes de l'UQTR. J'essaie de marcher le plus possible. Pas juste venir une fois dans la semaine. Je viens deux fois pour animer deux émissions. C'est voulu de mettre les deux jours différents pour marcher plus. T'sais. Je pourrais en faire encore plus. C'est bon de marcher pour perdre un petit peu le bide, comme on dit. Tiens, de l'emballage à bulles. Tu sais, des petites enveloppes de bulles. Bon. Prenez un bout de ces enveloppes à bulles-là et mettez-les autour de la tige d'une fleur. Par exemple, une jolie rose. T'sais. Mettez ça complètement pas au bout, mais à la place où vient commencer la tête de la fleur. Mettez ça là et vous allez pouvoir faire flotter les fleurs dans de l'eau. Et ça va vraiment tenir à cause de l'emballage bulle qui est fait pour flotter. C'est super beau. Et on ne voit pas l'emballage bulle étrangement parce que là, tu te dis, il me semble que c'est pas beau avec l'emballage bulle. Ben oui, c'est beau. Bon, attends, c'est beau. Allez voir la photo sur assemblagerequis.com. Ça, quelque chose dans l'œil. Tiens tes cils et tire ta paupière par en bas avec tes doigts. Et ensuite, tu clignes plusieurs fois des yeux. Et ça va faire sortir sur le côté la poussière que tu as dans les yeux, le petit quelque chose. Donc, tu tiens tes cils. Et tu tires ta paupière vers le bas avec tes doigts. Et tu clignes plusieurs fois. essayez... essayez d'aller chez un restaurant de sous-marin quelconque. Et essayez de commander une commande chez Subway sans dire le mot... tu sais, sans faire... Essayez. Aussi, vous pourriez essayer de faire une chronique à Assemblage Requis sans faire mille fois. Ça, c'est plus un défi que moi, je me donnerais. c'est juste impossible parce qu'il y a trop de choix. Faut que tu choisisses le pain, les condiments, les sauces, sel, poivre, vinaigrette. Est-ce que tu veux pour emporter? Est-ce que tu veux une liqueur avec ça? Est-ce que tu veux des biscuits? Est-ce que tu veux des chips? Il y a trop d'affaires, donc les hommes sont juste normaux. Mais donnez-vous le défi de le faire sans dire « homme ». Ici, alors ça, c'est juste une belle petite, liste de différences entre un leader et un patron. Tu sais, un leader, c'est juste quelqu'un qui va mener son équipe. C'est un chef d'équipe et un patron. Dur, OK? Donc, je suis un leader et non un boss. Et le titre de cette feuille-là, de ce petit texte-là. Donc, j'y vais dans l'ordre. Un patron, c'est tout. Alors qu'on va appeler ça... Comment est-ce qu'on pourrait appeler ça? Un chef? Non, un leader. On va appeler ça un leader. Donc, un patron, c'est tout. Un leader admet ses erreurs. Un patron dit aux gens quoi faire. Un leader va leur montrer comment faire les choses. Un patron va toujours critiquer. Un leader va donner des conseils. Un patron va parler rapidement et va donner des ordres. Un leader va donner des directives. Un patron va demander le respect. Un leader va mériter son respect. Un patron donne des menaces tout le temps, alors qu'un leader va montrer de la gentillesse. Un patron va dépendre seulement des rumeurs et des qu'en dira-t-on, alors que le leader va enquêter pour essayer de trouver la vérité lui-même à la place d'accuser quelqu'un. Tu vois, la différence entre un leader et un patron, un boss. Je trouvais ça bien expliqué. J'adore le concept de la chose. Vous avez de la peau morte en dessous des pieds. Vos pieds sont laids. Oh, je vais vous le dire, gars, on va être honnête ensemble. Vos pieds sont laids. Mélangez un quart de tasse de Listerine de n'importe quelle sorte, particulièrement la bleue, nous dit-on dans ce cas-ci. Donc, un quart de tasse de Listerine bleue. Un quart de tasse de vinaigre et une demi-tasse d'eau tiède ou même chaude, si vous le voulez, mais on dit tiède dans l'article. Tu laisses tremper tes pieds entre 10 et 15 minutes et quand tu as terminé, tu frottes avec un linge et la peau morte va pratiquement tomber d'elle-même. Donc, je rappelle la recette. Un quart de tasse de Listerine, un quart de tasse de vinaigre, demi-tasse d'eau tiède ou chaude et on laisse tremper 10 à 15 minutes. La photo est sur assemblagerequis.com pour vous aider. La police comique sans MS n'est jamais une police acceptable, à moins que tu sois une jeune fille de 8 ans qui écrit un poème sur les licornes. Je trouvais ça très bien dit. Comics IMS, ce n'est jamais une police acceptable à étudier. Tu veux un traitement de spa naturel? Hein? Une fois par semaine, pendant 20 minutes, assieds-toi dans un bain chaud qui contient une poignée de sel d'Epsom. On trouve ça en pharmacie ou des sels de mer. Et 10 gouttes d'huile essentielle de vanille. Tu rajoutes à ça une demi-tasse de bicarbonate de soude. Ce combo-là va tout enlever tes toxines. Ça va baisser les hormones de stress et ça va équilibrer ton niveau de pH. Donc, je répète la recette. 20 minutes une fois par semaine de une poignée de sel de mer ou sel d'Epsom, 10 gouttes d'huile essentielle de lavande et une demi-tasse de bicarbonate de soude, la petite vache, dans le bain. C'est pas magnifique, ça, c'est magnifique. La meilleure façon de garder vos rues propres, si, mettons, vous avez devant votre maison ou de proche de chez vous, dans votre rue, vous avez sur votre rue, vous avez peut-être une grosse poubelle. Poubelle publique, tu sais, des fois c'est vert avec un rond, je pense que vous savez ce que c'est une poubelle publique. Celles qui n'ont pas de couvercle battant par-dessus, mais qui ont juste leur poubelle à l'air ouvert, tu sais, ça attire les abeilles, bon. Moi, j'aime pas ces poubelles-là à cause de ça, mais bon. Et les gens jettent les poubelles à côté ou jettent les poubelles sur votre terrain. Mettez un cerceau de basket, installez-le juste à côté et faites que le rond du truc de basket finissent sur la poubelle et les gens vont avoir tendance à vouloir se donner des défis et lancer les déchets directement dans la poubelle, ce qui va aider votre rue. Si accidentellement vous avez mis un petit peu trop de sel dans votre repas, votre plat, mettons votre chaudron, pendant qu'il est toujours à la cuisson, dans le fond, ce que je veux différencier, c'est qu'il n'est pas dans ton assiette prêt à être mangé, il est encore en train de cuire, mettez une patate pelée, pas pilée, ça va absorber le sel en trop et ça va instantanément réparer votre repas, votre futur repas. Vous êtes une autre phrase cute ici, vous êtes plus jeune aujourd'hui que demain et après-demain le reste de votre vie. Donc profitez de votre journée. Vous êtes plus jeune aujourd'hui que n'importe quand à autre moment, à part que le passé. 8 choses à abandonner dans votre vie, tiens. Abandonner le rejet de soi-même, donc arrêter de parler en mal de vous-même. Ça, c'est le numéro 2, parler de soi-même négativement. 3, critiquer les autres, on arrête ça. 4, on arrête ça, c'est plus facile à dire qu'à faire. Numéro 4, essayer de plaire à tout le monde, pas une bonne chose. Numéro 5, avoir peur de l'échec. J'avoue que je suis coupable de ça aussi. 6, la procrastination. C'est tellement fun de procrastiner. Demain, la semaine prochaine, après les fêtes, après l'été. 7, avoir des... être rancunier, c'est le mot que je cherchais. Avoir des rancunes, être rancunier. Et 8, s'attendre à la perfection. Tu vois, j'ai tendance à faire chacun de ces 8-là, puis je pense qu'il va falloir que je colle ça quelque part sur un mur, parce que s'attendre à la perfection de soi-même et des autres, c'est jamais, ça mène jamais à du bon. Ensuite, tiens, si vous avez à cacher un tatou pour peut-être une entrevue, quelque chose d'important, utilisez du rouge à lèvres rouge. Rouge? Oui, OK. Utilisez du rouge à lèvres rouge pour couvrir les grosses lignes noires de votre tatou, s'il y en a. Mettez un petit peu de concealer. Ça, c'est une affaire pour filles, là, un concealer pour cacher les boutons, etc. Utilisez ce qu'on appelle une settling powder sur votre peau. Sur votre concealer sur la couleur de votre peau, dans le fond, que vous avez rajouté, le concealer couleur peau qui est propre à vous. Ensuite, nettoyez les erreurs en utilisant des serviettes pour bébé, tout en enlevant le concealer qui est en trop. Okay? Et ensuite, utilisez une brosse, un pinceau, si on veut. C'est plus ça qu'on dit en français, un pinceau qu'une brosse, pour adoucir le tout avec de la poudre de fondation. Dessus. Allez voir les étapes. Je connais pas les noms des produits de beauté féminin. Je m'excuse en français. Mais bon, quand même, on utilise de toute façon la plupart du temps les termes en anglais. Donc, concealer, le rouge à lèvres, etc. Voilà. Il y a 6 étapes environ. Ah tiens, j'aime ça. C'est une phrase, une façon de vivre un petit peu ici. C'était en classe. C'est quelqu'un qui témoigne que le professeur lui a dit ça en classe. Il y avait un livre noir Et le professeur disait aux élèves, ce livre est rouge. Et tout le monde disait non. Et lui disait oui, il est rouge. Et là, tout le monde disait non, c'est pas vrai, arrête-t-il, il est noir. Il a retourné le livre et le livre était rouge à l'endos. Et sa citation était, ne dites pas à quelqu'un qu'ils sont tards, c'est d'avoir vu les choses de leur côté, de leur point de vue. Je trouvais ça quand même assez, assez profond comme phrase. J'en saute quelques-uns, là, je m'excuse, pour essayer de terminer ça bientôt. Si tu veux que ta maison sente vraiment bon, hein, fais bouillir des pelures d'orange avec une demi-cuillerée à thé de cannelle à feu médium, feu moyen, et ça va faire que ça va sentir super bon chez toi. Petit truc comme ça. J'avais déjà donné d'autres conseils avec de la cannelle. Je disais que les vendeurs de maisons allaient souvent faire ça dans les maisons qu'il y avait à vendre. Ça sent meilleur pour les gens qui vont visiter. C'est un peu la même chose, une autre sorte, c'est avec des pelures d'orange et une demi-cuillère à thé de cannelle. On a parlé dans 5 minutes, ça devrait pas, on l'a tantôt, d'une affiche avec une destination voyage qu'on collait sur le mur. Dans le même genre, mais ici c'est un cadre qu'on peut acheter un peu partout. Pardon, un cadre avec une vitre à l'avant. T'es supposé mettre la photo à l'arrière, c'est très très profond comme cadre. Donc tu mets ta photo à l'arrière et à l'avant il y a une vitre. Bon, c'est bien beau jusque-là. On vous suggère de faire une petite fente sur le dessus du cadre et d'imprimer une photo de votre destination de rêve, par exemple, au Disney World ou quelque chose comme ça. Là. Et évidemment, ça devient une banque, donc vous pouvez mettre de l'argent et l'argent s'accumule par-dessus la photo et ça donne vraiment un beau petit concept. Allez voir ça. En même temps, je pense que vous pouvez vous l'imaginer, mais l'idée est bonne. Ça pourrait être une PlayStation 4 aussi, ça pourrait être à peu près n'importe quoi comme rêve. Prenez un cadre profond et faites une fente en haut, j'adore vraiment ça. Si pour être original, si vous voulez que vos oranges aient une forme particulière, peut-être une forme d'hexagone, octogone, peu importe, vous pouvez prendre un template de carton, si on veut, et mettre les oranges, alors qu'elles sont plus jeunes, dans ce rack de carton-là, et les oranges vont prendre de l'ampleur, de l'expansion, dans la forme qu'on lui donne. Donc, c'est ce qu'ils ont fait dans cette... je sais pas si c'est une ferme. En fait, juste peut-être... Comment est-ce qu'on dit ça? Un verger d'oranges, je sais pas trop quoi. Mais ça fait une belle petite chose, puis en même temps, peut-être que tu peux vendre tes oranges plus cher, parce qu'ils sont originales, t'sais. Si vos biscuits sont pris sur la plaque de biscuits, simple, enlevez-les en passant une soie dentaire entre la plaque et le biscuit. On n'aurait jamais pensé à ça, mais de la soie dentaire, ça peut servir à plus que juste des dents. Ici, prenez un bas et remplissez-le de riz. Passez le riz pendant une minute au micro-ondes. Le bébé va être convaincu que le bas très très chaud, oui, et comme sa mère, parce que c'est très très chaud. Et le sommeil va s'en venir tout de suite. Donc, si vous avez de la misère à endormir votre bébé, juste un bas, un assez gros bas quand même. Là, on se dit un bas de flanellette, là, le flannel. Je sais pas trop où on trouve ça, mais en tout cas, prenez un bas avec du riz dedans. Un peu comme les sacs magiques, c'est du riz qu'il y a dedans. Vous pourriez faire la même chose avec un sac magique, j'imagine. Ensuite, France Cute, n'abandonnez jamais un projet ou quelque chose que vous voulez vraiment. C'est difficile d'attendre, mais c'est plus difficile de regretter de ne pas l'avoir essayé, de ne pas avoir travaillé fort pour. Ensuite, je sais pas, il y en a que je me demande si je devrais lire parce que je trouve ça trop stupide. Je vais finir avec celui-là, tiens, après je vais sauter au prochain. Même idée que tantôt avec le cadre et la petite fente en haut pour mettre de l'argent. Même chose à la place, mettez juste un décor que vous aimez en arrière du cadre et une fente plus longue et mettez-y vos billets de concert, de parties de sport, football, baseball, à la place des jetés. Et tu sais, il y en a qui vont afficher ça sur un babillard ou coller ça sur un mur. Dans un cadre avec une vitre en avant, tu lâches dedans tes billets et ça va s'accumuler à travers les années. Tu vas avoir un cadre de tous les spectacles que tu as vus. L'idée est vraiment bonne. C'est sûr que tu vois pas autant le billet que sur un babillard, tu vois pas les détails, mais quand même, ça montre comment t'es allé en voir. Si t'en vois beaucoup dans ta vie, ça pourrait être rentable. Et on parle beaucoup de frites de patates douces. Depuis quelques mois, quelques années, j'entends tout le temps parler de frites de patates douces. C'est super bon pour la santé, avec un petit peu de poudre de cannelle dedans, c'est super bon. On peut faire la même chose avec des carottes. Donc, pelez les carottes en tranches vraiment épaisses, okay? Très épaisses. Mettez les tranches dans de l'huile d'olive et du sel. Passez au four à 350 degrés pendant 12 minutes. Vous laissez refroidir, vous mangez. Et c'est apparemment super, super bon. Donc, des carottes, des frites en carottes. Et en plus, ça a la couleur attirante orange. C'est pas une crosse, mais j'avoue que ça pourrait être croche un peu, tu sais. Le prochain, c'est de toujours acheter le premier pichet lors d'une soirée entre amis. Tout le temps, acheter le premier pichet, la première ronde de bière, tu sais, peu importe si c'est des bouteilles ou un pichet. Vous seriez surpris, nous dit-on, comment ça peut durer longtemps de dire « Hey, j'ai acheté la première, fait que, tu sais, j'ai acheté la première, j'ai acheté la première. » Plus t'es sous, t'as acheté la première. Fait que, les gens se rappellent pas que ça fait longtemps que tu l'as acheté. T'sais. Puis il y a 2, 3, 4 rondes, vous êtes juste 3, 3, 4, 5, 6. Et ça va durer encore. Donc, acheter la première ronde, c'est toujours plus rentable, nous dit-on. Je sais pas, on s'est jamais rendu vraiment à beaucoup de rondes dans mes soirées entre amis. Soyez toujours, sortez toujours avec, vous fréquentez toujours quelqu'un de qui tu peux apprendre quelque chose. La personne avec qui tu te tiens ou avec qui tu as une relation amoureuse va toujours être un petit peu plus intelligente que toi, nous dit-on dans cet article-là. Toujours un petit peu plus intelligente que toi pour que tu puisses continuer à grandir et être intéressé par la relation. Et surtout, tu devrais être fier d'être avec cette personne-là. Donc, c'est quelque chose qu'un professeur de 10e année a enseigné à ses étudiants. Et c'est comme ça qu'il a marié sa femme en étant avec quelqu'un de qui il peut apprendre quelque chose tout le temps. Je trouve ça vraiment intelligent. Et je vais terminer avec celui que je disais tantôt que je n'étais pas sûr de vouloir faire. On va voir. Ça termine sur une mauvaise note. Ben, ce sera ça. Puis je serai habitué de toute façon que ça finisse sur une mauvaise note. Donc, c'est comment demander à une fille de sortir avec soi. OK? Donc, comment demander à une fille de sortir avec soi? C'est de l'asseoir, OK? Et là, c'est super vulgaire comme langage. C'est « assois-la », OK? Assois-toi à côté d'elle. Donne-lui quelque chose, je sais pas, du chocolat ou quelque chose que les filles aiment, des tampons, peu importe. Tiens-lui la main, les deux mains même, tu sais? Parce que c'est pour les mauvais de prendre juste une main. Regarde-la dans les yeux, aussi profond que possible, tu sais? Profond comme fuck, là, tu sais? Je veux dire, vraiment profond, là, tu sais? Et là, pense-y plus, t'sais. Reste là quelques secondes, tu sais? Tiens ta position. Jusqu'à temps que t'aies les couilles de lui demander de sortir, OK? Et dis-lui ces petits mots-là. Est-ce que tu veux être ma blonde? Parce que c'est plus cute que veux-tu sortir avec moi, tu sais? Et après ça, ben, tu vas avoir une copine qui va tout le temps être avec toi et tu vas remercier ce gars-là qui était super vulgaire, pas mal plus que dans mon texte, une version simplifiée. Mais quand même, une bonne façon, juste, regarde, tu lui donnes quelque chose qu'elle aime bien, tu lui prends les deux mains, tu dis, est-ce que tu veux être ma blonde? Voilà. C'est fait, c'est dit. Assemblagerequis.com pour tous les liens de cette chronique-là. On prend une pause, on revient dans quelques instants avec Mathieu Roy et sa chronique humoristique légendaire dorénavant dans quelques instants. Merci là. FOU 89.1, la radio des étudiants de l'UQTR. C'est fou ça! Bonjour à Assemblage Requis, émission de la semaine du 12 mai 2014. Mathieu Plante, c'est mon nom, et j'accueille Mathieu Roy. Oui! Ça va? Ben oui, toi. T'as l'air surpris que je t'accueille. Ben, j'étais là, mais sans m'habituellement, j'étais habitué d'avoir un tapis rouge, un lit de fleurs, pis tout ça. Mais, tu sais, pour des fois, je m'accommoder de ton accueil particulier et vraiment intègre. Tout ce que t'as, c'est juste mes pantalons baissés, tu sais, en ce moment. C'est pas vrai. Oh! C'est une blague. Oh! Hey, c'est l'été. Hey, hein? C'est une blague en dessous de la ceinture, celle-là. Ben, pas mal. Donc, Mathieu Roy, qu'on accueille tout l'été, on t'a parlé un petit peu la semaine passée, mais vraiment en bref, si on veut. On a parlé du fait que t'aurais une chronique humoristique, mais plus d'humour que elle-même la chronique drôle, je pense, hein? Ben, elle peut virer drôle parce que veut pas, c'est moi pis toi qui est là. C'est autres, hein? Puis on est des génies de l'humour quand même. C'est ça. Ben, j'ai checké sur Wikipédia, on est rendu ranké. OK. C'est toi qui étais avant moi, puis après ça, c'est moi. Ah, mais merci au moins de me mettre en première place. Ben, je sais pas si c'est toi qui décidais ça. Non, c'est Wikipédia. En fait, c'est Mathieu Plante et Mathieu Roy. Je pense que je suis en premier parce que le P vient avant le R. Non, ben c'est à cause que t'en fais plus que moi officiellement. Ok. C'est le nombre de blagues déversées par minute qui est calculé pour voir vraiment le ratio tout ça. Les rires à l'heure. Ouais, c'est ça. C'est... Ben tu sais, il y a les sondages BVM là. BBM, ouais. BBM. Ben c'est à peu près le même principe. T'analyses les cotes, tu prends le nombre de jokes qu'il dit par minute, tout ça. Une moyenne. Tu fais une calcul, puis au prorata, ça donne combien de jokes au final. Voilà, c'est ça. Donc aujourd'hui, Mathieu Roy, on va parler de l'historique de l'humour. T'as travaillé fort cette chronique-là, c'est la première. T'as vraiment donné tout ce que t'avais pour après ça, j'imagine. Ouais, ben c'est ça. Ben on connaît mes habitudes. Des fois, je me prépare, des fois, je me prépare pas. Dans le fond, je suis de formation historien. Oui. Fait que moi, ma mise en contexte va être vraiment plus pour aujourd'hui, cette semaine. Qu'est-ce qu'est l'humour? Comment qu'on décrit l'humour? Et qu'est-ce qu'on entend par ça? Tout d'abord, j'aimerais commencer avec une définition plate qui nous provient du dictionnaire Larousse pour savoir qu'est-ce qu'est l'humour. Si on tape « humour » sur le dictionnaire Larousse, l'humour est une forme d'esprit qui s'attache à souligner le caractère comique, ridicule, absurde ou insolite de certains aspects de la réalité. Marque de cet esprit dans un discours, un texte, un dessin. Oh, ça englobe pas mal de choses, même un dessin, ça pourrait être drôle, c'est vrai. Ben, les caricatures sont parfois assez humoristiques ou parfois incomprises. Oui, des fois, ils sont tellement laids, les miens, que tu ris parce que je suis tellement poche en dessin. Ouais. Il y a une deuxième définition, c'est caractère d'une situation, d'un événement qui, bien que comportant un inconvénient, peut prêter à rire. C'est-à-dire quelqu'un qui s'enfarge dans ses pieds. Ça peut quand même être drôle, tout dépendant de la personne qui s'enfarge. Coup de pied d'un noix. Ouais, c'est ça. Tu sais, un coup de pied d'un noix, une personne de 80 ans, est moins drôle qu'un coup de pied d'un noix fait par un enfant à un autre enfant. C'est vrai, c'est vrai. Tu sais, c'est des comparatifs. C'est la théorie de la relativité de l'humour que j'ai juste d'énumérer. Fait que je vais prendre un droit d'auteur là-dessus. Parfait. Mais c'est ça. L'humour, c'est ce qu'on en décrit. Mais si on regarde qu'est-ce qu'est l'humour, parce que l'humour a existé à travers le temps. Les premières traces historiques d'humour, c'est la comédie grecque. Ouais. Comédie grecque étant... Là, c'est pas comédie de l'arté, de patente, là. C'est pas ça, c'est d'autres choses? C'est de quoi d'autre? La comédie grecque va vraiment... Tu sais, c'est Aristophane, principalement, qui était l'un des grands dramaturges de ça. Donc, il y avait beaucoup de productions théâtrales au niveau de la Grèce antique. Okay. Puis, la comédie était vraiment impliquée et imbriquée dans qu'est-ce qu'était le théâtre. Parce qu'il y avait les drames, il y avait la comédie aussi. C'était les deux grandes familles qui s'affrontaient. Puis le moyen qu'ils ont utilisé pour les Grecs, pour l'humour, c'était un moyen de revendiquer et de faire passer un message, vraiment. Okay. De prendre le ridicule d'une situation et d'emmener, voir et faire penser l'auditeur, la personne qui est présente sur place, à vraiment quel est le but, la légitimité de la vie. Parce que les Grecs ont toujours été très philosophiques, très ancrés là-dessus. Pas nécessairement sur la politique, ça, on aurait pu dire engagé, mais c'est pas vraiment engagé dans le sens que c'est pas un message politisé, c'est juste un message sur la vie, la philosophie, qu'est-ce que c'est la vie. T'sais. Exactement. Okay, je comprends. Fait que pour la comédie grecque, c'est les débuts prouvés de l'existence de l'humour. Mais entre toi et moi, c'est sûr qu'au néolithique, ça devait quand même être drôle faire des blagues à propos d'un aliment avec des dents de sable. T'sais. C'est ça. C'est ça. Tu sais, t'as une dent contre ça, tu sais, avec, mettons, un dent de sable. C'est drôle, OK? C'est ça. Tu sais, tu te dis genre, hey, ça, c'est un bon gag, tu sais. Tu sais, mettons, hey, avec toi, avec tes dents de castor, tu sais, hey. Hey, garde dedans, ben ouais, c'est ça. Bonne année, grand nez, puis. C'est ça, tu sais, avec un peu de consanguinité, tout le monde sait que c'est accroché les dents à long terme. C'est sûr. Fait que, tu sais. Donc, les premiers dramaturges connus, c'est vers 530 avant Jésus-Christ, là, l'époque. Épicharme. Épicharme. Ouais, ouais. Okay. Qui est probablement. Un top 5 Facebook, genre du temps de genre les beautés et le plus d'amis. Là. Et puis Charme, ça devait être assez contemplatif de pouvoir le rencontrer. Quand t'as Charme dans ton nom, tu sais, c'est winner. Ouais, c'est comme roi, ça veut dire que t'es royauté. Ça. Non, c'est que t'es hautain. Oh, royautin. Royautin, j'aime. Fait que ça. Donc, c'est pour les premiers dramaturges. Aristophane, Aristote également. Mais il ne parle pas vraiment de quels étaient les types d'humour vraiment, tu sais, comme comment emmener sa blague. Mm-hmm. Tu sais, comme nous, on est rendu avec des blagues vraiment, tu sais, comme caricaturées, tu sais. Oui. Tu sais, c'est quoi la différence entre pète puis répète, sont dans un bateau, pète, tombe à l'eau, qu'est-ce qui reste? Répète. Tu sais, fait que là, là, on a le genre le gros signe infini là, qui se fait après la blague. Mais tu sais, c'est plus, on est vraiment plus un humour qui est structuré. Ouais. C'est aussi une déviance de la langue française qui fait qu'on est tellement structuré dans notre manière de parler qu'on peut voir ça. Puis, bien sûr, l'humour existe en fonction de toutes les nationalités. Donc, mais en même temps, il y a des styles d'humour. Ça va dire un humour anglais, c'est un humour particulier, un humour français, c'est pas tout le monde qui aime ça. Donc là, à l'époque, on n'avait pas encore défini sûrement les différents styles d'humour. Je m'attends à quelque chose de sûrement pas mal plus songé à l'époque, peut-être, je sais pas. Oui, vraiment plus vers la pensée, l'humour vraiment comme moyen et comme véhicule de promotion d'une idée. Ouais. Donc, c'était vraiment très, très bien positionné. Pas des jokes de pète. Ben, peut-être qu'il y en avait, mais sûrement pas. Ils se faisaient à l'extérieur de la scène, tu sais. Puis ils ont pas écrit sur papier pour qu'on puisse s'en rappeler. C'est ça. Ben, sur papyrus, parce que. Papyrus, mais oui, c'est ça. À l'époque, le papier existait pas. Ils ont pas vu ça sur leur tablette, mais là, à l'époque, c'était une tablette de pierre et non pas une tablette iPad, t'sais. Mais je sais pas si la fonction, genre, glisser marchait. Pour faire des traits, là. Sûrement pour mettre la barre sur les traits. Fait que il paraît que le liquid paper, à l'époque, était de la potée. Oh, wow. Hein? Il y a des jokes dans cette chronique-là, quand même. Ben oui, on s'entend. Il y a moi et toi qui sont là, fait qu'on peut pas aller bien, bien loin. C'est ça. Va falloir arrêter, sinon on va s'empoter. S'emporter. OK, là, ça va faire, c'était pas drôle, ça. Parfait. Fait que vraiment, c'est ça. Puis, il y a la comédie moyenne qui existait, puis la nouvelle comédie. J'ai lu un peu là-dessus, puis je me sens pas assez à l'aise pour dire quelle était la différence entre la nouvelle puis de la moyenne. Mais, tu sais, moyenne... La nouvelle, c'est tout le temps meilleur. C'est nouveau, c'est meilleur, tout le temps. Dans ben, nouveau modèle. Pas nécessairement. Non, ouais. Il y a beaucoup de choses qui sont nouvelles qui, parfois, n'ont pas vraiment de grandes fonctionnalités, principalement au niveau des... On s'entend avec les médias puis tout ce qu'on est entouré maintenant. Tu sais, mettons, je pense que tu as une émission qui se parle de... Genre, peut-être. Les gadgets électroniques et peut-être tout. Peut-être le Mathieu Pierrefour. Mais certains peuvent peut-être être complètement inutiles. Peut-être aussi, c'est ça. Mettons les nouvelles TVA. C'est pas parce que nouvelles que c'est bon. Oui. C'est une blague. C'est une blague, là. Je parle pas contre TVA, j'aime. Jamais. J'aime TVA. Non. Hein? On sait plus ce qui est vrai, on sait plus ce qui est faux. Ben, c'est notre réalité quotidienne du 21e siècle, de toujours se poser des questions, de mettre les choses en perspective, puis de se poser la question sur sont-elles réelles et ont-elles un apport à notre société? Exactement! Est-ce que ça sert à quelque chose? Oui, mais tel quel, moi, ce que j'aime bien, c'est que, tu sais, la langue anglaise, news, qui est nouvelle, tu sais, va être north, east, west, south. Qui disent, est-ce que c'est vrai? On sait pas. C'est vraiment ça. À l'origine, newspaper, c'était vraiment dans cette idée-là de rassembler les nouvelles de partout, d'en faire un melting pot, puis de le publier. Fait que, tu sais, il y a cet aspect-là qui est vraiment plus imbriqué, qui rend la chose quand même très intéressante au niveau des nouvelles. Mais on est en train de dévier du sujet, comme à l'habitude. Parfait. L'humour tel quel, le mot, provient de la langue française, humeur, qui a été pris par les Anglais, comme toute bonne chose que les Français font, cela font prendre par les Anglais par la suite. Et c'est devenu humour. Mais c'était humeur, dans le sens, la théorie des humeurs. Est-ce que ça te dit quelque chose au Moyen-Âge? Non, c'est tout. T'as quatre liquides principalement dans le corps humain, et c'est ce que les scientifiques, les médecins de l'époque, croyait que c'était dans la régulation de ces liquides-là que le corps humain pouvait exister et vivre longtemps. Okay. L'idée de la saignée, que c'est, dans le fond, t'as un problème avec ton sang, c'est que t'en as probablement trop. Donc, on va t'en saigner, on va faire une saignée pour équilibrer ça. Donc, t'as la bile jaune, la bile noire, la bile rouge, puis il m'en manque une qui est une bile. Une autre bile. Boule et bile, comme on l'appelle. Oui, donc ces liquides-là, donc la théorie des humeurs qui provient de ça et qui s'est imbriquée un peu aux animaux. Donc l'humour provient de là. La première fois où on l'a vu, le mot écrit humour, là, ou humour, c'est en 1760. Puis c'est quand même drôle parce que quand on lit vraiment, là je suis sur Wikipédia, une source très fiable, ben oui. Le mot humour provient de l'anglais humor, lui-même emprunté du français humeur, ce que je vous ai dit. L'humeur du latin humor, liquide, désignait initialement les fluides corporels, sang, la bile. Pensé comme influençant sur le comportement. Vers 1760, les Anglais utilisent le terme humour dans le sens tempérament enjoué, gaieté, aptitude à voir ou à faire voir le comique dans les choses. Ah, c'est là. Là, on commence à parler d'humour pour vrai, avoir le sens de. Parce qu'il y a. Veux pas, on s'entend, il y a certaines personnes qui croient qu'ils sont drôles mais qui ne sont pas. Mm-hmm. D'autres qui sont conscients qu'ils sont pas drôles mais qui prétendent quand même l'être puis qui vivent bien avec ça. Mm-hmm. Comme moi. Et t'as aussi les gens comme qui sont vraiment drôles, mais qui sont tellement humbles envers eux-mêmes qu'ils se trouvent pas tant drôles. C'est ça. Plus toi. Ça. Merci, j'allais pas le dire parce que ça fait un petit peu fendant de se dire soi-même drôle. Mais ouais, j'avoue que c'est pas mal mon genre de s'auto-rabaisser et se dire qu'on est pas drôle. Mais les gens rient. Mais c'est ça, mais c'est en même temps être humble. Voilà. J'aime bien, il y a quelques petites citations de gens célèbres que dans... Il y a Joseph Klatzmann. Sûrement mal prononcé, essayez de le trouver. Dans son ouvrage « L'humour juif », en souhaitant rire pour ne pas pleurer. Pour lui, l'humour, c'était ça. Oui. Vaut mieux pas pleurer d'une situation, vaut mieux en rire. Tout à fait vrai. De là l'expression « mieux vaut en rire qu'en pleurer », j'imagine. Beaumarchais, qui était d'ailleurs un des grands personnes du pentathlon, la discipline où on demande de marcher plusieurs kilomètres en marche rapide. Beaumarchais. Ok, j'ai le poli. Moi, je t'écoute comme si t'étais un professeur, puis là, à un moment donné, tu fais une blague, puis là, je la pogne pas parce que je pense que c'est vrai. Mais ouais. Je la est drôle. Mais est-ce qu'on aurait pour avoir une confirmation de quelqu'un qui l'a compris avant Mathieu Plante, s'il vous plaît? On appelle en onde, s'il vous plaît. Ça fait 3h45, j'en ai mis tout seul. Oh. C'est normal que je sois mort. Ok. Fait que lui, ce qu'il a écrit là-dessus, c'est: je me presse de rire de tout, de peur d'être obligé d'en pleurer. Ah oui. Donc on peut voir vraiment qu'il y a un lien qui est quand même genre la tristesse et la joie qui s'imbrique de par l'humour, que de fait de rire de quelque chose va t'empêcher de pleurer de cette situation que tu ne peux parfois pas comprendre ou que tu as des attentes qui ne se sont pas révélées. Il n'y a rien de plus vrai que ça. Oui. Et Nietzsche, le gars qui est pour les grands fans de philosophie, qui est toujours aussi difficile à lire, a eu une phrase qui raconte un peu quelque chose puis qui est presque claire. L'homme souffre si profondément qu'il a dû inventer le rire. Ah. Lui, il se rapproche du cynisme. Le cynisme, maintenant, qui est quelque chose de très ambiant maintenant. On aime bien ça. Ouais. Dans notre génération. Donc, au niveau de l'étymologie. Donc, l'humour va vraiment chercher à avoir un but, une légitimité, toujours, mais c'est qu'il y a une manière de le faire. Tu sais, l'humour politisé, consciencieux, engagé, où on veut vraiment amener un propos, où on veut juste prouver le ridicule de quelque chose. Si je pense, mettons, André Sauvé, qui est un humoriste très politique, qui va vraiment, tu sais, vraiment argumenter son texte de manière à... Ça doit être difficile à écrire, ça. Pour prouver quelque chose, c'est vraiment difficile à écrire des blagues comme ça. C'est faut le talent derrière. Hein, puis c'est ça, tu sais. Puis quand on pense à ça, tu sais, puis ça m'est venu pendant qu'on parlait, tu sais, l'École nationale de l'humour. Ouais. Tu sais, pourquoi qu'on a ça, nous, ici, au Québec? Tu sais, je pense pas qu'il y a l'École nationale de l'humour aux States. Non, c'est vraiment... c'est un métier, être humoriste. En même temps, est-ce qu'il y en a trop? Ben, moi, je considère que c'est un métier d'être humoriste parce que c'est quand même, c'est pas tout le monde qui est capable de faire rire autant. Mais même à ça, certains humoristes ne font pas rire non plus tout le monde. Ouais. Tu sais, les Denis Drolet, pour moi, ça ne fonctionne pas du tout. Du tout, moi non plus, c'est ça. Je comprends pas l'absurde. Il y a quelques affaires absurdes que je peux aimer, mais c'est rare. Je trouve ça comme. Quand la blague est basée sur absolument rien, tu fais juste dire de la gomme au steak. C'est juste rien, ça, pour moi. C'est ça. C'est pas drôle, c'est rien. Mais un autre style d'humour absurde va être sexe illégal. Oui. Sexe illégal qui, pour moi, est quand même drôle, humoriste. Tu sais, il y a quand même un bon niveau d'humour. Par contre, leur stock se renouvelle pas tant que ça parce que tout ce qu'on les a vu cette année au carnaval, ils ont fait les mêmes présentations qui sont disponibles sur YouTube. Donc, ça accrochait pas tant que ça parce que, tu sais, dans le fond, tu voyais live ce que t'as vu 20 000 fois sur YouTube. Ouais. Donc, c'est pas aussi accrocheur. Tu sais, de là que l'humour, même si la blague est drôle, elle diminue en drôleté avec le temps. C'est ça que je comprends pas des gens qui vont se taper des DVD de spectacles d'humour sans cesse ou ils vont acheter le CD. Moi, les gens qui écoutent un CD d'humour, moi, j'ai de la misère à comprendre ça. Mettons, c'est des chansons comme les Chicken Swirl, je peux comprendre parce que c'est des chansons, c'est catchy et c'est drôle. Les deux ensemble, ça donne un bon combo. Mais quand tu écoutes un spectacle d'un humoriste que tu connais les gags à l'avance, à la, mettons, François Pérusse, j'ai un peu de misère. L'entendre la première fois, ça va. Le deuxième, c'est comme une sitcom. Je veux dire, j'écoutais pas une sitcom 3-4 fois. Je suis pas capable. J'y connais déjà. Là-dessus, je suis d'accord avec toi, sauf pour François Pérusse. François Pérusse, pour moi, est genre un petit disque que tu peux mettre soft, que tu veux juste avoir une blague ou deux. Mais tu sais, c'est sûr et certain qu'ils viennent qu'à s'user un peu. Ben, c'est ça. Dans le sens, tu sais, le tome 1 est plus aussi drôle qu'avant. Je sais pas, tu sais. On est rendu à tome 42. Là. Peut-être, ouais. Je sais pas, juste. Moi, je l'avais acheté en cassette, toi. J'ai rien acheté de tout ça. Non, en fait, j'ai tendance, et tu peux rire de moi pour ma prétention un petit peu, alors que j'étais tout à fait humble tantôt. Mais je dis souvent que des fois, je vais sortir des gags. Et quelqu'un va me dire, c'est un François Pérusse. Et je le savais pas parce que j'ai littéralement jamais entendu aucun sketch, à exception de peut-être une dizaine depuis la dernière année de François Pérusse. Je sors les mêmes blagues que lui fait. Est-ce que c'est parce que les blagues sont vraiment faciles? Ou est-ce que c'est parce que je suis un visionnaire arriéré? T'sais? C'est pas genre. Oh! T'es un futuriste en retard. Un futuriste. J'aimais mieux l'autre, là, mais ouais, ok. Ah non, non. Non, non visionnaire arriéré, non? Un visionnaire du passé. Un visionnaire qui voyage dans le temps. Qu'est-ce qui est moins humble? Qu'est-ce qui est plus humble là-dedans? Je sais pas. Mais bref, non, c'est ça. On a le même genre d'humour, François Pérusse et moi, je le sais. Mais c'est peut-être pour ça que j'aime pas l'écouter parce que je me dis, je veux pas gâcher mes gags. Je veux pas commencer à dire des gags de François Pérusse parce que c'est le genre de gag que je fais sans le savoir. On se comprend ça là-dessus? Ah ouais, dans le fond, être sûr de pas avoir les droits d'auteur, que t'as copié les droits d'auteur parce que t'as jamais eu la source. Exactement. Et pourquoi est-ce qu'on parle de moi, je sais pas. Mais c'est vrai que c'est vrai que t'as des gags qui ressemblent un peu à François Pérusse, mais que c'est pas un style qui est si fort que ça. Non, c'est pas si songé que ça. C'est vraiment le premier gag sur le bord. Qui, t'sais, souvent des jeux de mots, des trucs comme ça, c'est quand même assez simple, les jeux ouais, de mots. C'est des tournures d'esprit un peu, t'sais, de OK, dans la manière de prononcer quelque chose ouais. Où est-ce que tu vas pouvoir emmener ce propos-là, justement. Là. Je pense que c'est vraiment là-dessus qu'il mise. Mais t'sais, pour moi, t'sais, si je te demande quel est l'humoriste le plus drôle, ou là, ou le, ou humoriste le plus drôle. Ceux qui me font le plus rire, j'aime beaucoup les stand-up américains. Je suis très, très américain dans l'humour que j'aime. Louis C.K., Jerry Seinfeld, Aziz Ansari, un truc comme ça, c'est. Ok. C'est mon genre. Moi, ce que j'aime bien, c'est l'un des shows que j'ai le plus trippé que j'avais vu, c'était Lévesque et Turcotte. Okay. Mais ça date il y a de cela déjà quelques années. Mais ça, c'est un show que j'avais vraiment aimé parce qu'il y avait quand même, tu sais, un peu de personnages, mais pas d'omnubilance de personnages dans le sens, je suis vraiment ancré dans mon rôle de, tu sais, comme mettons les Denis Drolet ou. C'est ceux-là qui se donnent vraiment un stage. Sexe illégal aussi là-dedans, tu sais, qui se donnent vraiment un standing de par le personnage. Mm-hmm. Mais tu sais, moi j'aime la variété, mais tu sais, j'avais vu François Montmorency, il m'avait fait rire, mais pas autant que ça, tu sais, c'est... Tu sais, je trouve que, tu sais, vraiment la recherche, la qualité des textes est vraiment très importante. Oui, vraiment, c'est les textes qui font tout, tu sais, mettons, j'écoutais l'autre fois un spectacle de George Carlin, un humoriste américain, vraiment, vraiment bien coté, tu sais, et j'écoutais son spectacle, je trouvais ça super drôle, mais c'est des gags que t'as l'impression d'avoir entendu mille fois, tu sais. C'est daté dans une époque où l'humour a tellement avancé, l'humour est tellement rendu, genre, c'est un peu comme la musique, tu peux pas. Tu peux pas inventer quelque chose de nouveau, tout ce que tu peux faire, c'est remanier un petit peu, tu sais. Fait que ça fait que tout m'a l'air déjà vu. C'est difficile pour moi de trouver un humoriste qui se démarque puis qui va dans. Un peu comme mettons Guillaume Wagner. Je vais trouver ça original parce qu'il va vraiment en trash dans ses gags des fois, tu sais. Ouais. C'est rare que je vois un numéro de stand-up que je fais comme « Wow, ok, c'est cool, j'en veux plus de toi. » Mike Ward l'a fait un peu okay. Cet aspect-là, je trouve, mais que il s'est usé lui-même de ouais. Par ses restrictions qu'il se donnait, puis de répéter un peu. C'est le charme de l'humour, c'est que ça soit un constant renouvellement, puis que ça reste quand même actuel. T'sais, tu peux pas faire une blague sur le mur de Berlin à cette heure. C'est ça, exactement. Tu sais, c'est ça, l'humour est souvent... un peu comme il y a des sitcoms, des fois, qui sont comme ça. Moi, je suis vraiment plus sitcom parce que j'en ai vu des millions. C'est comme plus mon domaine que vraiment le news humoriste stand-up. Mais ce qui est trop daté sur les nouvelles, c'est quand il est trop current events, là, quand l'humoriste fait des blagues sur le président Obama, puis ce qui se passe en Ukraine, puis... Moi, je trouve que c'est pas bon comme humour. J'aime mieux l'humour qui est, tu sais, mettons, à la Bill Cosby. T'écoutes un numéro de Bill Cosby des années 80 qui est du familial, du travail, juste, tu sais, les relations entre les gens, l'amour. Ça, l'humour ça intemporel. Pas. C'est ça, intemporel. Moi, c'est ce que je préfère. Même chose pour les sitcoms. Je préfère une sitcom qui peut être regardée dans les années 70 comme en 2014. Ouais. C'est ce que je préfère comme humour. Mais moi je suis d'accord avec toi. J'aime pas les shows d'humour pour dire, genre, je vais louer un DVD d'un show d'humour parce que ça... Ça me donne rien, je trouve. C'est juste une perte de temps. Oui, vraiment. Mais tu sais, aller voir un show d'humour, je trouve que c'est bien. Mm-hmm. Parce que tu sais, t'as une ambiance, t'as une petite fébrilité à l'intérieur. Tu sais, je suis un fan d'improvisation quand même. Ouais. Donc, tu sais, c'est ça que tu cherches un peu vraiment à savoir qu'est-ce qui se passe. Mais. Non. Mais juste pour revenir un peu, on parle. Il y a trois grands types d'humour selon Wikipédia. Il y a l'humour noir. Oui. Qui se trouve être des jokes racistes. Non, est une forme qui s'appuie sur des éléments tristes ou désagréables et les tourne en dérision, en rire jaune, un rire forcé et amer. De fait, l'humour n'est pas nécessairement lié à la joie. Non. Des blagues sur des bébés morts, mettons, on pourrait dire que c'est des blagues d'humour noir. Ouais, exactement, c'est vraiment ça. Il y a l'humour pince sans rire. Moi, je dois avouer que je suis pas mal dans l'humour noir un peu, puis peut-être pince sans rire un peu. L'humour pince sans rire est une forme particulière d'humour caractérisée notamment par l'air sérieux de la personne qui l'en fait preuve, que l'on peut rapprocher de l'humour noir. C'est vraiment difficile de faire de l'humour pince sans rire parce que les gens sont tellement premier degré dans la vie que ça va être difficile de montrer que c'était un gag sans l'expliquer. T'sais. J'en fais des fois des gags comme ça, puis tout le monde reste de briques devant moi. Je fais comme moi, peut-être que vous n'êtes pas le bon public pour des blagues comme ça. T'sais. Ouais, non, c'est ça. Il y a cet aspect-là, mais ouais. Je pense que c'est. Moi, c'est une des formes d'humour que j'aime bien. Tu sais, pouvoir. Tu sais, prendre une phrase de quelqu'un, puis juste, genre, accentuer un mot ou quoi que ce soit, puis tu sais, d'en faire de quoi de drôle, ça, moi, j'aime bien. Mmh. Puis il y a aussi l'humour d'observation. Rapidement sur le dernier, s'il te plaît, Mathieu, mais oui. Ouais, l'humour d'observation est une forme d'humour se basant sur la caricature de situations au quotidien. Ce que tu sembles plus aimer, oui. C'est la forme d'humour la plus répandue dans le domaine du one-man show, particulièrement dans le stand-up. Donc, tu sais, moi, d'après moi, les gens communs vont pratiquer l'humour noir, l'humour pince sans rire, pour que l'humour d'observation soit plus le fait des one-man shows. Exactement. Mais on va accentuer ça. Maintenant, on a une base pour l'humour et ensuite, on va pouvoir progresser pour nos prochaines chroniques dès 17h30. Et ce, tous les jeudis, live from C'est Fou. Live from C'est Fou. Merci beaucoup, Mathieu Roy. C'est super intéressant. J'ai adoré participer à cette chronique-là avec toi. Ben, moi, j'adore venir ici animer avec toi. C'est un plaisir. Je me cherchais juste un sujet pour cet été. Et c'est fait maintenant. Oui. Donc, à jeudi prochain, en dernière demi-heure d'émission. Nous, ça va être tout pour Assemblage requis. Ça va être Rock Révélé qui s'en vient dans quelques instants. On revient la semaine prochaine, jeudi, entre 14h et 18h pour les palmarès C'est Fou à 14h et Assemblage requis à 18h. Après nous, donc, je l'ai dit, Rock Révélé avec de la culture rock. On repasse le samedi entre midi et 16h. Après nous, c'est les Précieuses Ridicules, le magazine culturel. Et finalement, les lundis entre 14h et 18h. Après nous, c'est Raconte-moi ta ville avec Chantal Carignan. Cif.ca pour la programmation complète. Assemblagerequis.com pour les notes de l'émission Les Balado-diffusions. Merci, Mathieu Roy. Merci, Mathieu Plante. Et on se quitte avec une pièce qu'on a sautée plus tôt. En fait, pas qu'on l'a sautée, on devrait plus dire ça parce qu'on en saute plein d'affaires. On s'en va entendre une nouvelle entrée de Pie Pie. C'est un avant-goût de l'émission de la semaine prochaine des Palmarès C'est Fou. Donc, Pie Pie avec New York, deuxième extrait de l'album Pagan Day. Passez une excellente semaine. À bientôt. Bye. Ah, dans on saute plein d'affaires, tu voulais dire quoi? On saute plein d'affaires. Bang, bang, bang, bang, bang, bang, bang. Ciao. Bonne semaine. Bonne semaine.